Je n'ai qu'une Cool. seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est Le si crime est si gai. gai. On est parti. Cœur de loup, as-tu vu? La Je mélo qui dit lors du swing, pourrais vous la faire c'est au le coup de complet, cœur je de la fais au ping-pong. karaoké à peu près une fois sur deux. Hey, La le toune de clip de karaoké. ça, là. La meilleure clip au monde. Oui. Good. You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien! It's all for you! We'll tear your soul apart! They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Ho, ho, ho, ho, ho, ho! Bienvenue, tout le monde, à cet épisode numéro 75 de l'Horreur Gamer Show. Sébastien Bouchard au micro. Et cette semaine, j'ai une équipe de Père Noël. J'ai dit actual Père Noël, Steven Lefrançois. Salut Steven. Salut Seb. De toute beauté. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Yes! Et j'ai The Future Père Noël, Jean-François Tremblay. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Hey, dans le fond, on est les Noëls passés, présents et futurs. C'est ça. Puis Steven, lui, c'est un vieux de la vieille. Puis moi, je suis comme pas mal dedans. Puis Jeff, c'est futur. Fait qu'on est je pense là, qu'on va oublier tout ça, puis on va juste s'appeler les trois Stooges. Non? Les trois Scrooges. Scrooge, c'est mieux. Hey! Salut tout le monde! Épisode spécial de Noël qu'on vous fait cette semaine. Puis c'est pas n'importe quel épisode spécial de Noël. C'est le meilleur. On choisit. C'est le meilleur. Déjà là, en partant, JF, t'as tout à fait raison. Mais c'est. Plutôt que de choisir un film ou une thématique de film, de, oh, l'année passée, on avait pris Silent Night, Deadly Night, puis tout ça. Puis. Non, là, on fait juste parler de films d'horreur de Noël et on va intégrer tout ce qu'on veut là-dedans. Fait que c'est The Ultimate Christmas Special from Horror Gamer. Eh oui. In your face. Ou peut-être in your ears. Oups. Ah, j'aurais voulu faire la quote du vieux bonhomme dans Silent Night, Deadly Night, mais je suis pas capable. C'est quoi? C'est au début. C'est au début de ce film-là, ben l'autre là. You better run, boy! C'est ça. Run for your life! Calis! Je me tanne jamais de Steven qui a fait. C'est dans quoi ça? Bloody... C'est dans Silent Night? Non, Bloody, quelque chose? Non, c'est. Hein? Silent Night, Deadly Night, c'est ça? Non, Silent Night, Deadly Night. Okay. Ah ouais? Calvose. Quand les parents amènent leur jeune voir le grand-père. Ah oui! Ah, c'est autre film, ça. En tout cas, c'est correct parce qu'on n'en parlera pas ce soir. On en a déjà parlé amplement l'année passée. Et c'est correct. Il n'est pas dans notre liste. Dans le fond, ce qu'on a fait pour cet épisode-ci, c'est qu'on a demandé à l'équipe d'Horreur Gamer de suggérer des films de Noël, puis on va juste en jaser. Et quand je dis l'équipe, Audrey et Vicky ont aussi participé. Vicky, il ne peut pas se joindre à nous ce soir. Question restaurant. Vous l'aurez sûrement deviné. Mais bon, si tu veux. Ça fait partie maintenant de sa vie. On passe en deuxième. Ouais. Où voulez-vous? C'est une vedette. C'est une vedette, t'as dit? Oui, c'est trop important. C'est une vedette. Fuck the podcast. C'est une vedette? Parce qu'elle passe dans les journaux et tout? Ben oui. Ouais. Populaire, là. Oui, elle reçoit toutes que des invités. Oui, dernièrement, elle a eu une grosse vedette. Là. Comment il s'appelle? David Lettler de Chicoutimi? Je sais pas. Je sais pas, je connais pas David Leclerc. Je connais pas David Leclerc. Ça, c'est, il doit pas exister. Tu mens. Tu mens. T'es un menteur. Je te connaîtrais. Il y en a pas, je Coutumi. Il y en a pas. Regarde, je regarde sur le bottin, il y a 3 pages. Ça, non. Là, ça va faire comme dans Série Noire, il y a genre David Leclerc, Coutumi qui va nous écrire. Hey, c'est drôle en tabarnak, hein? Qu'est-ce qu'il y a de drôle, mon nom? C'est quoi, là, hein? C'est quoi, là? Vous ne donnerez pas un rôle principal à David Leclerc? Les David Leclerc de sa monde ne méritent pas de vivre, c'est ça? Bienvenue dans le David Leclerc world. Yeah. Oh, God, quelle belle série, quand même. Oui. Mais c'est bien qu'il y ait eu juste... On se met en bedaine, puis on chante sur Tattoo. On danse. Ah, oh, Ah, mais c'est, quelle belle série. D'ailleurs, les auditeurs, si vous avez jamais écouté Série Noire, s'il vous plaît, allez écouter ça. C'est 2 saisons. Puis, c'est tant mieux parce que ça s'est jamais éternisé. Ça a jamais perdu son mordant. Il n'y a pas de filler là-dedans. Non. C'est du bonbon du début à la fin. C'est honnêtement, c'est ce que j'ai vu de mieux en termes de série québécoise. Ça, 19-2, puis... Dans une galaxie. J'ai jamais écouté Dans une galaxie. Ouais. Les Invincibles, c'était bon aussi. Oui, Les Invincibles. J'ai jamais écouté la 3e saison. Fait que je... Ah, d'accord. J'étais fâché, je m'étais fait spoiler la fin. Ah, d'accord. C'est plate. C'est juste de la télé. Okay. Ah, c'est juste Pat Lirette. J'ai dit d'arrêter ça. Ouais. Ça, c'est... Tu les as dit trop tard. hey, on se commence ça, cet épisode-là? Oui. Yeah. De toute façon, on va tellement jaser de n'importe quoi tout croche que ça va juste avoir de l'air comme si on n'avait pas fait de pause avec une fille qui crie maintenant! Oh! Je pense que la fille qui criait avait plus de barbe que d'habitude. Mais peu importe! Je pense que c'est de circonstance. Allez, les gars, on a une belle petite liste de. On a 7 films. Il y en a là-dedans que je pense pas que c'est tout le monde qui a vu. Puis c'est génial. J'ai hâte de voir ce que vous en avez à dire de ça. On va y aller. C'est peut-être celui-là qui est le plus frais en mémoire parce que c'est lui qui est sorti le plus récemment de la liste. C'est Steven qui l'avait suggéré. C'était Krampus. Oui, parce que au lieu d'y aller avec les grands classiques un peu faciles à la Gremlins, je veux y aller avec les mal-aimés ou les méconnus. Et Krampus est malheureusement un des mal-aimés de 2015. Selon moi, les gens l'ont boudé. Et injustement, honnêtement, moi, quand on a fait le podcast, je l'ai solidement défendu et je le défends encore. C'est devenu pour moi une nouvelle tradition à tous les hivers de Noël. Je vais me taper Krampus parce que c'est... C'est juste un bon film d'horreur de Noël à l'ancienne qui mélange comédie horreur comme on pouvait l'avoir avec Gremlins, puis avec un petit côté Christmas Vacation. Puis en même temps, Michael Dougherty revient. Oui, qu'est-ce que je pense? Oui, question. Toi qui as une bonne mémoire, tu te souviens-tu? C'était quoi notre opinion? Moi, je m'en souviens pas vraiment. toi, t'avais quand même bien aimé. Oui, hein, c'est ça, ok. J'avais un souvenir favorable du film. Ok. Je me souviens. Sébastien Moyen. Non, j'avais semi-trippé. On en reparle. Ouais, ok, c'est bon. Et Vicky, pas du tout. Vicky, non, Vicky, pas du tout. Hein. Pas du tout. Mais c'est ça, je trouve que Michael Dougherty, réalisateur de Trick or Treat, est revenu un peu à l'essence même des films de Noël au cœur. Puis en même temps, il met le doigt sur le bobo de pourquoi c'est rendu différent de nos jours Noël. Puis il s'amuse à le critiquer de manière assez drôle. Notamment dans l'intro avec les fameux Black Friday. Je trouve ça vraiment original et excellent. Mais sinon, je recommande pleinement Krampus. Mon Dieu, vous avez tout pour plaire là-dedans. Vous avez des effets spéciaux à l'ancienne qui semblent sortir du studio Jim Henson, des décors. Il y a peu de CGI. Le CGI là-dedans, la créature de Krampus en tant que telle, il est écœurant. Les jouets, les bonhommes de neige dehors, tout est vraiment authentique. J'aime les personnages, ils sont attachants. Au début, je trouvais que ça faisait très classique puis un peu cliché, mais en même temps je suis comme ok, non, c'est le but. Je retrouve un peu le genre de famille qu'on avait dans Christmas Vacation avec les mêmes problèmes puis les mêmes chicanes, puis j'étais comme non, ça me plaît. Un peu c'est comme une grosse couverte une grosse couverture chaude, puis c'est réconfortant parce que t'es juste bien là-dedans. C'est comme quand je suis malade, j'ai envie de me retaper des classiques de mon enfance, mais Krampus me fait ce feeling-là, puis je trouve que ça fait du bien de retrouver ça de nos jours, tandis que tous les films d'horreur ou de comédie de Noël, ils essaient tellement d'en faire trop, ils s'éloignent, puis ils essaient de vouloir absolument être un nouveau classique. Là. Ouais, ben aussi, de ce que je vois des fois qui sort de films d'horreur qui sortent sur la thématique de Noël, c'est que il focus beaucoup sur l'horreur, puis Noël devient qu'un prétexte à faire de l'horreur, alors que ce film-là a vraiment voulu être un film de Noël. Oui, c'est l'essence ce même. C'est ça, là, tu sais. C'est ce qui fait son charme. Puis, Jeff, je te laisse aller, puis je vais rembarquer tout de suite après. Je sais pas, j'ai pas grand-chose à dire. Comme je dis, je m'en souviens plus ou moins, mais j'avais une bonne... bonne impression du film, fait que je sais pas là. Là, tu l'as revu depuis le temps? Non. J'ai vu au cinéma à l'époque, puis c'est tout. Je l'ai revu depuis le temps, justement. Puis quand on avait parlé, je n'avais quand même parlé en mal. J'avais critiqué bien des choses, puis je me souviens même pas qu'est-ce que j'avais eu de mal à dire sur ce film-là, tellement que mon opinion a changé. Et c'est grâce à toi, Steven, parce que tu m'avais comme orienté du bon côté. Tu m'avais enlevé du côté sombre de la force de l'esprit de Noël. Et tu m'avais remis du bon côté. Je n'étais plus le grincheux face à ce film. Non, c'est ça, je l'ai acheté. J'ai écouté avec mes parents. Puis j'ai vraiment aimé ça parce que, ouais, à la place de faire comme c'est quoi cette Christmas Vacation là? Puis, finale bizarre de ce. En tout cas, sans trop voler le punch, j'ai comme fait non, c'est cool finalement. J'ai trippé ses créatures, j'ai trippé sur l'ambiance, tout ça. Mais c'est drôle parce que on le voit souvent popper si vous êtes membre des groupes de discussion de films d'horreur sur Facebook. On voit souvent Krampus popper ces temps-ci, puis ouais. « Hey, j'écoute ça, qu'est-ce que t'en pensais? » Et ça divise le monde, puis à toutes les fois que quelqu'un aimait ça, tu comprends tout de suite que la personne fait « Mais c'est comme un Gremlins! »« Ouais, mais c'est comme un Christmas Vacation avec un Gremlins! » »« Tu comprends pas! » »« Faut pas prendre ça que... » Puis là, tu sais, le monde qui dit que c'est pas assez violent, puis tout ça, puis là, t'es comme « Mais c'est ça, l'affaire! » C'est qu'on a tellement été habitués sur des films d'horreur dans le contexte de l'Halloween, de Noël, qu'on oublie que ça peut être autre chose que juste du gros trash d'un Père Noël qui décide qu'il tue du monde, tu sais. C'est plate parce que dès que je vois des commentaires négatifs sur le film, ils disent rien d'autre que c'est pas assez gore puis il n'y a pas assez d'horreur. C'est la seule chose qu'ils disent. J'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Et quand tu écoutes Gremlins, t'as-tu peur? T'as-tu besoin de faire plus de sauts? T'as-tu besoin d'avoir plus peur? T'as-tu besoin de plus de violence? Non. Pourquoi d'abord tu exiges ça de ce film alors qu'il se positionne clairement comme un film qui t'offrira pas ça? En tout cas, c'est ça. J'ai une question. Par rapport au marketing ou en tout cas quelque chose comme ça, mais vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que les différentes spin-off ou version cheap du film, je pense qu'il y en a une au moins, puis il y en a peut-être plusieurs autres. Est-ce que ça nuit? Il y en a quatre. Est-ce que ça nuit à Krampus? Parce qu'il y a aussi la même chose qui se passe avec les Ouija, puis moi-même, je suis tout mêlé dans la liste des films Ouija. Je sais qu'il y en a deux officiels, mais tu regardes sur Netflix, il y en a genre 50 des Ouija, là, je sais pas trop, mais est-ce que ça nuit ces films-là, selon vous, à, mettons, Krampus, à l'idée en général que les gens s'enfoncent comme « Ah, moi, je n'ai vu un Krampus », puis finalement, ils ont vu la version poche sur Netflix. Ouais, ben. Écoute, c'est pas fou ce que tu dis parce que longtemps avant qu'ils sortent, toutes les fois que j'allais chez HMV, j'ai regardé des films d'horreur, mais les films d'horreur dans mon HMV sont classés sur le côté, tu sais. Tu les vois pas de face. Fait que toutes les fois, j'étais comme « Oh, Krampus! » « Ah non, c'est pas le bon. »« Oh, Krampus! » »« Ah non, c'est pas le bon. » Puis là, je me disais, le nombre de personnes qui devaient se dire « Oh, Krampus, cool! » Puis qui arrivaient chez eux, puis « Ouais, mais c'est bien mauvais, Krampus. » Tu sais? Les amis, en même temps, on a l'habitude depuis... les bandes annonces étaient suffisantes, honnêtement, je ne vais pas me risquer de regarder ça, mais je veux dire, les mondes sont habitués là, avec les rip-off d'Asylum. Je veux dire, il est sorti Independence Day 2 cet été, ben, Asylum en a sorti un, Independence Day avec 2S ou de quoi de même. Ben, je serais pas prêt à dire que tout le monde est au courant, puis tu sais, il y a souvent du monde qui les loue ces films-là ou qui les achète parce que la compagnie continue d'en faire, tu sais. Ben, en même temps, ça coûte bien produire ça. Non, je sais bien. Ça, ça coûte des notes. Fait que j'imagine pour eux, ça doit être de l'argent facile de berner les gens puis que, qu'ils vont louer Krampus 2 Unleashed, là, comme il est disponible en ce moment. Là. Puis tu sais, c'est des trucs qui sont tellement faciles à acheter pour Netflix, tout ça, qu'il fait juste avoir des films de plus boboche dans sa collection. Parce que c'est ça, tu sais, nous autres, on connaît le cinéma d'horreur, mais comme je disais avec les Ouija, je sais à peine, tu sais, c'est quoi qui se passe avec la série. Mm-hmm. Fait que, moi, je pourrais facilement me faire mêler avec Netflix, là, tu sais. Je m'informe pas vraiment sur les Ouija, fait que, tu sais, je vais pas sur IMDb ou sur Wikipédia pour savoir, tu sais, je m'en fous un peu de la série, fait que je suis comme, je pourrais décider un soir, je décide de regarder un film d'horreur. Ah, tu sais, il y a un film de la série Ouija, ok, je pourrais regarder ça, tu sais. Si j'ai, en tout cas, je sais pas, mais... Mm-hmm. Mais en même temps, Krampus, il est sorti bien avant que toutes ces shit-là commencent à sortir. Enfin, je crois que les gens ont quand même eu le temps de voir la version originale avant de voir les... Moi, j'ai l'impression qu'il n'avait avant. Comme je te dis, moi, j'ai vu des versions de Krampus de merde pendant qu'il était encore pas disponible en DVD. Là. Avant que l'autre sorte. Rappelle-toi quand j'avais fait le post de l'épisode l'année passée, j'avais mis une photo de Krampus, puis on m'avait dit, hey, c'est pas le bon Krampus, c'est une version cheap. Oui, c'est trompé vrai. De pochette, là, tu sais. C'est nous autres qu'on en parle, puis tu sais, on se trompe de pochette, imagine. leur job de tromper le monde est bien fait, là, quand même, tu sais. Ah, vraiment. Vraiment. Mais honnêtement, je crois sincèrement qu'avec les années, le film va atteindre un bon statut, selon moi, là, puis il va gagner de la valeur. Ben, j'espère, parce que je pense que c'est un film qui le mérite amplement. C'est juste qu'il faut... C'est plate à dire, parce que des fois, j'ai l'impression que c'est pas la bonne excuse, pas la bonne raison, mais je pense que pour certains films, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se mettre dans le bon mood, il faut avoir les bonnes attentes, tu sais. Oui. C'est juste ça. C'est juste ça, tu sais. Ayez les bonnes attentes, vous allez aimer ça, tu sais. Puis c'est ça, c'est pas d'excuser le film, c'est pas d'y enlever ses défauts, parce qu'il y en a quelques-uns, mais si, Monac, attends-toi pas à avoir un Halloween ou un Black Christmas quand tu loues Krampus. C'est de l'horreur familiale. C'est ça, tu sais, c'est le film d'horreur que tu vas écouter avec ton enfant de 13-14 ans, tu sais. Il te le dira pas, mais il va avoir peur un peu. Ben, excuse-moi, mais tu sais, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas d'horreur dans Krampus, la scène du grenier avec le clown, là, pour moi, c'est de l'horreur. C'est là, même s'il n'y a pas de gore, là, c'est de l'horreur. Oh oui, puis la scène de la petite fille qui est en dessous du camion, puis il y a juste la petite barre qui tombe à côté, ou pendant qu'il y a court dans la rue, puis tu vois juste le Krampus sauter sur de building toits, en building. Ouais. Tu es comme, what the fuck, ça fait peur. Il y a de quoi de creepy avec les bonhommes de neige aussi. Qui sont juste là. Moi, observent. C'est une des choses qui m'avait le plus marqué. Ouais, tu sais, il y a de quoi. Puis c'est ça, là, la créature quand t'as voix. C'est très beau visuellement en plus. Je charge un peu du côté horreur, mais visuellement, c'est super beau. Je me rappelle du flashback de la grand-mère, la manière que c'est fait. En animation, c'était écœurant cette scène-là. Mm-hmm. Super bon flashback, c'est vrai, t'as raison, c'était écœurant ça. Les petits bonhommes de Penny, je les avais aimés, il me semble. Ah oui, écoute, c'était drôle, là. Ça va être très Gremlins, justement. Oui, vraiment. C'est un bon mix de plein d'affaires. Là. Ben oui, écoute, puis c'est ça. Puis non, je me rappelle avoir aimé la relation familiale, là, la dynamique familiale, les parents, tout ça, le drame de tout ça, j'étais embarqué là-dedans. Là, ouais. Je pense même avoir dit que le film n'aurait pas été un film d'horreur, j'aurais continué à suivre pareil. Là, oui, c'est ça quand l'élément. Oui, c'est vrai que tu avais dit ça. Que l'élément d'horreur arrive, puis tu fais. Je pense que c'était quasiment ça ton défaut. Tu m'avais déçu, oui. Tu voulais un film juste avec cette famille. C'est un peu la même chose avec le film de clown, avec Stitches. C'est comme. Enlevez-moi le clown, mais je veux le drame de Watatata. Jeff, finalement, il aime pas les films d'horreur. Non. Ouais, c'est ça, il veut pas d'horreur, il veut que ça finisse bien. Des fois qu'il écoute un film d'horreur, il fait comme. Ah, pourquoi il y avait un tueur? Là, jamais ça. Parce que je vieillis, puis je deviens chochotte, tu sais. C'est ça. Ah, oh, toi, là, on t'avait pas d'une expédition extrême. Hey, est-ce qu'on a fini de parler de Krampus? Je pense que oui. Ben oui. Ouais, de toute façon, écoutez, je pense qu'on en parle en long, en large dans notre épisode de l'année dernière. Malgré que, bon, vous entendrez pas les mêmes opinions, surtout venant de moi. mais je vous dirais, c'est l'épisode numéro. Alors, je vais-tu le trouver rapidement? Je ne vais pas le trouver rapidement. Puis, et le numéro, ça va être l'enveloppe. Je suis incapable de le trouver rapidement. Ça nous prendra un engin de recherche sur le site. C'est bien drôle, ça. Oh, God. En plus, c'est moi qui l'ai fait, ce site-là. C'est l'épisode spécial Noël, l'épisode 50, le 15 décembre 2015. C'est-tu... Ah non, OK. On a fait 25 épisodes en 2016. Cool. Oui, on a été vraiment fiers. Il y a des années qu'on en faisait trois, genre. Ouais. Une chance, par exemple, qu'on a fait beaucoup d'épisodes d'Halloween pour les 31 jours. Puis... Ouais. Écoute, si on était vraiment des crinqués puis qu'on n'aimait pas notre famille, on ferait un épisode de 25 décembre parce qu'on va dans deux semaines à Noël. Mais on va épargner ça. Oui. Ben, c'est cool. Fait qu'elle écoutait ça, l'épisode 50. Oui. Vous allez entendre parler de plus de Krampus. Surtout si vous n'étiez pas sûr à propos du film. Si vous étiez comme, moi, j'ai pas trop trippé. Ah, ben, faites comme Sébastien puis donnez-y une chance. Steven va remettre la magie de Noël dans votre cœur. Oui, Steven, il est bon pour ça. Ça déborde de partout, ça y sort de partout, là, l'amour de Noël. Là, Regarde, là, c'est le seul que, quand tu regardes son décor sur sa webcam, c'est le seul qui a une décoration de Noël. Ouais, c'est en télé, ouais. Non, il y a un flocon, là, si t'as pas. Ah, ben ça, merci Chantal. Ah, ben merci Chantal. Il n'y a pas genre du gui ou quelque chose en haut-dessus, là? Genre, vous pouvez vous embrasser. Non? Vous embrasser toutes les fois que tu rentres chez vous. J'ai pas besoin de ça pour ça. Ah, d'accord. Je veux ça embrasser ma blonde même quand je veux. Même pas de sa permission. Hey, le prochain film, c'est Jeff qui l'a suggéré. Ah oui? Lequel? C'est... lequel? Mais j'en ai deux. The Children. OK, oui. Ben, ça va être bref dans le sens où que je l'ai pas revu depuis la première fois que je l'ai vu. Je l'ai vu en 2009 à Fantasia. Mais j'en ai gardé un très très bon souvenir, fait que j'ai plein d'images dans la tête, mais elles sont pas très précises là, mais j'ai des images d'enfants puis de la neige puis c'est très violent. Mais moi j'avais beaucoup aimé ce film là puis je me rappelais plus vraiment que c'était un film de Noël. Je savais que c'était une fête avec des familles puis tout, mais je me rappelais pas que c'était Noël spécifiquement. Puis quand j'ai vu que c'était un peu l'histoire, c'est deux ou trois familles qui se réunissent dans le temps des fêtes, c'était en Angleterre, je me souviens bien. Puis il y a quelque chose qui se passe avec les enfants qui deviennent violents ou quelque chose comme ça. Il y a un enfant qui arrive, qui est malade, qui ne file pas, puis il contamine toutes les autres. Bon, voilà. Moi et ma fameuse mémoire. Puis c'est ça. T'as peu, là. Faut pas que ta mémoire commence à faire défaut, parce que sinon, la qualité du contenu du podcast vient de dropper de 50%. Ma plus grosse crainte au monde, c'est d'avoir la maladie d'Alzheimer. Ça me fait tellement peur. Je panique là-dessus. Depuis que j'ai vu le film Still Alice, là. En tout cas, ça, c'est un film d'horreur pour moi. Mais retour à The Children. Donc, c'est ça, moi j'avais vraiment trippé ce film-là. C'était effrayant. Les enfants étaient vraiment creepy là-dedans. Puis les parents doivent trouver le moyen de se défendre puis d'attaquer les enfants, puis d'essayer de contrer cette affaire-là. Puis c'est pas évident, là, c'est leurs enfants, bien, c'est genre les enfants de leurs amis, puis tout ça. Puis il y a plein de questions éthiques dans tout ça. Puis à un moment donné, bien, ça, t'as pas le choix de prendre les armes et de dire « OK, là. » C'est ça, tu sais. C'est un bon « Who can kill a child? » Ouais, c'est ça. sans le couple ennuyant. Oui. Ah, il y a une couple de scènes, ouais, c'est ça. Dans « The Children », il y a une couple de scènes qui était comme « Oh, God! » Je me rappelle d'une scène de glissade, entre autres, qui était comme « Oui, oui. » « Ah, God! » C'est horrible. C'est horrible, non, mais il y a... Ce que les parents finissent par faire aux enfants, je pensais pas que le film irait aussi loin, puis ça me choquait, façon de parler, là, mais ça me choquait pas mal là, ce qui arrivait. Là. C'était comme, oh, est-ce qu'on. Tu sais, maintenant que je suis parent, est-ce que je ferais ça dans une situation à mon enfant? Écoute, c'est vraiment difficile à se. Hein, c'est vraiment difficile à savoir. L'an prochain, je vais être père, je me promets de le regarder, de le revoir. J'ai pas réussi à le revoir cette semaine, mais je vais le revoir. Okay. Moi, je l'ai pas réécouté depuis que je suis père, puis je sais pas. Je serais. Ça reste que les petits enfants sont cute, malgré tout. Ouais, un peu moins vers la fin. Ouais. Surtout la genre de dernière scène où tu es comme Là, je freak bien raide. Surtout que dans la cour... Dans les bois, là. Oui, puis surtout aussi que dans la cour, il y a comme une espèce de petite tente indienne. Puis au fur et à mesure que le film avance, cette tente-là devient de plus en plus creepy. Puis il y a des affaires à l'intérieur vraiment dégueulasses, là. Fait que t'es comme, oh, la shit commence à pogner. Ça fait longtemps que je l'ai pas revu, moi non plus. Mais c'était excellent. C'était vraiment super de mon film. Oui, oui. Puis je pense qu'il y avait eu une bonne ambiance à Fantasia quand je l'avais vu, là. Puis. J'espère. C'est pas une affaire où ce que le monde criait puis tout puis sautait partout là, mais c'est genre c'était plus respectueux, mais je pense que le monde aurait aimé ça à l'époque. Là. C'est pas, on n'entend pas parler tant que ça, il me semble, de ce film-là. Non, mais je le vois couramment dans des listes. Okay. C'est le genre de film qui est souvent là dans des listes de films d'horreur méconnus, ou je l'ai vu sur des listes de meilleurs films d'horreur de Noël. Tu vois, ça c'est un peu ce que je disais, c'est un film d'horreur de Noël, mais Noël est très, très accessoire dans le film. Ouais, c'est ça, un j'avais oublié que c'était pour réunir tout ce monde-là. Je savais que c'était l'hiver, je savais qu'il y avait ça aurait pu être des retrouvailles pour une autre occasion, mais j'avais oublié que c'était Noël. Puis quand j'ai vu que c'était dans une liste, ah ben tiens, ça va être ça, un de mes deux films. Ah oh, oui, ah oh, oui. C'est vraiment à voir. The Children, 2008. Ouais. Ça se trouve assez facilement. Très bonne suggestion. Yes. La prochaine... D'ailleurs, moi, je dis, j'en ai pas fait de suggestions, parce que quand j'ai pris les suggestions de tout le monde, j'ai fait comme, ben, mes films sont là. Non, c'est vrai, j'en ai trouvé une, on en parlera tantôt. Le prochain, c'est un film que j'ai toujours voulu voir, qui est sur ma liste, et c'est, je crois que c'est Steven qui l'a suggéré, c'est Windchill. Windchill. Ouais. Film de 2007, j'ai acheté ça d'un prévisionné, puis je pense que c'est allé au cinéma, mais ça a passé vraiment inaperçu. C'est un film qui est produit par Steven Soderbergh et George Clooney. C'est quand même Tristar Pictures qui est la compagnie. Et ça met en vedette une très jeune Emily Blunt. Je l'ai découvert grâce à ça, actrice que vous avez pu voir récemment dans Sicario ou Age of Tomorrow avec Tom Cruise. Et ça met en vedette aussi Ashton Holmes, qui lui a joué dans History of Violence, puis une couple d'autres films. Et ça raconte l'histoire de deux étudiants qui vont faire du covoiturage durant les vacances d'école pour aller dans leur famille durant le temps des fêtes, parce que ça donne que leurs familles sont dans la même ville, puis la fille, bien, elle n'a juste pas d'auto, elle ne conduit pas. Fait que lui, il fait du covoiturage, puis ça donne qu'il va pouvoir l'aider. Et tout le long, on va suivre ce couple-là durant la route, ces amis-là, qui finalement s'aiment plus ou moins, mais lui, il est amoureux d'elle, mais elle s'en fout carrément. Fait que t'as un malin plaisir à suivre vraiment ces deux personnages. Ces deux personnages-là sont vraiment le fun. Moi, dès les 5 premières minutes, j'étais déjà attaché à eux, j'avais envie d'en savoir plus, puis voir où c'est que ça allait aller. Puis, durant leur super voyage, ben, le gars va décider d'emprunter un genre de petit chemin de secours, là, un petit raccourci pour avoir une meilleure vue, puis essayer d'avoir une genre une petite route romantique avec des beaux paysages. Malheureusement, ils vont tomber en panne, avoir un accident. Ils vont être coincés en plein milieu des bois alors qu'une tempête de neige arrive et des phénomènes paranormaux commencent à se produire alentour d'eux. Et c'est une espèce de huis clos, dans le fond. Tout le long, ils vont être coincés dans la voiture et ils vont essayer d'avoir des secours. C'est un film d'horreur extrêmement classique dans son horreur. Tout le côté fantôme, vous avez vu ça mille fois. Les origines, vous avez déjà vu ça. Mais c'est juste bien fait. Et le gros plus de ce film-là, comme je dis, ce sont les deux personnages. J'ai beaucoup de plaisir à les revoir. Les deux acteurs sont vraiment bons, sont vraiment attachants. Puis c'est vraiment un coup de... Il n'y aurait pas eu d'horreur, puis ça aurait été juste un huis clos de ces deux jeunes-là coincés dans une voiture, pas de fantôme. Je m'en calisse. C'est ça, dread pour dire, je m'en fous, ça n'aurait rien changé. L'horreur est là, c'est pas grave, je le prends pareil. Mais moi, j'ai vraiment du plaisir. C'est pas un grand film, mais tous les éléments pour passer un bon moment avec... Moi, j'aime ça des films où le froid est intense puis ça nous imprègne. Tu sais, comme un Frozen, les jeunes qui vont faire du ski qui sont coincés. J'aime ça, ce genre de huis clos de personnages coincés dans le froid. Puis des fois, j'ai envie d'ouvrir ma porte-passion en même temps. Puis je suis comme, ah oui, je comprends les personnages, je suis en train de geler dans mon salon. Mais c'est ça, je dis. Si vous êtes amateur, pareil, de films de fantômes un peu plus classiques, je vous le conseille fortement. Moi, c'est un film que j'apprécie à revoir une fois par année au moins. C'est un de mes petits favoris un peu méconnus. C'est pas comme pour précision, c'est pas windshield comme la vitre qui se trouve dans votre char là. C'est windshield. Chill comme un frisson là, comme un chill. Frisson de froid là. Chill. Chill. Chill. Ouais, c'est windchill. Ouais, écoute, c'est ça. Christy, c'est difficile à... C'est Brooke Shield qui joue dans Windshield avec Winston Churchill. c'était du gros n'importe quoi. Mais non, en tout cas. Windshield. C'est... Vous chercherez Emily Blunt. Parce que Windshield, c'est un film de mouches qui arrive dans une vitre. C'est vraiment... C'est un huis clos. C'est un huis clos d'une vitre de char. C'est des mouches qui sont écrasées. Des roches qui demande... font des cracks. Puis de même. Ouais, c'est ça. Puis ça demande du... quand est-ce que le gars va aller faire le plein de lave-glace parce qu'ils ont vraiment la chienne. Puis ils vont chez Duromax, là. Merci, Duro! Merci, Duro! C'est un film de pour nos amis français. C'est ça. Pour nos amis d'Europe, vous chercherez Duromax. Super-héros. Je ne sais pas si ça se trouve sur YouTube. Qui était un super-héros qui remplace les pare-brises. C'était. je cherche Duromax, je trouve rien, malheureusement. Bah. Si je cherche publicité, Duromax? Oh. Ah, je pense que peut-être que vous pourriez vous gâter. Peut-être. sinon, oui, il y en a. Duromax en un mot, pub. Et non, moi, des classiques, ça. Des classiques. Ben oui. Oui. Avant de partir en pause, partir en peur, je veux dire, en tout cas, on va y aller avec un autre classique. Ça va faire le lien avec la toune, vous allez voir. C'est Audrey qui nous a suggéré ça et c'est Nightmare Before Christmas. Ah. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'introduire ce film qui est... Puis, qui la est, grande... excuse-moi, je voulais pas t'interrompre, excuse. Qui est un film qui est autant populaire par son œuvre que par ses produits dérivés. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde... C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a tellement du monde qui ont des jacks de toutes sortes sur les accessoires, sacoches. Mais qui n'ont jamais vu le film. C'est vrai. Ben, ça, c'est un peu comme le design du groupe Misfit qu'on retrouve sur plein de t-shirts, mais la plupart des filles ne savent pas en tout que c'est un groupe. Là. Ouais. Où tu vois pourquoi des jeunes, des fois. J'ai vu des jeunes aux États-Unis. À un moment donné, j'étais allé. Une couple de fois, j'étais aux États-Unis. Puis ailleurs, au Canada anglais, tu vois des jeunes avec des cycles, le cycle des expos sur le calotte ou des trucs comme ça. Puis tu sais, c'est des jeunes, là, 14, 15 ans, ils n'ont pas connu les expos, mais ça, c'est devenu une marque de commerce, devenu une marque de mode. Là, c'est fou, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu allais dire, Jeff? J'allais dire le film qui nous fait poser la question depuis 20 ans. C'est-tu un film de Noël ou d'Halloween? Moi, je l'ai dit, c'est le film. Le film dit « This is Halloween », mais il n'y a pas beaucoup d'Halloween. ben, pour ceux qui ne savent pas, c'est un film produit. Faut pas dire réalisé par Tim Burton, le grand défaut que plusieurs personnes font. C'est Henry Selick qui a réalisé. Ouais, c'est ça. Qui a Ouais, c'est ça, qui a fait les Caroline et tout ça, qui met en vedette notre copain, qui met en vedette, qui raconte l'histoire de Jack Skellington, qui vit dans la ville d'Halloween, et qui s'emmerde un peu et qui décide qu'il va aller, qu'il voudrait devenir un Père Noël. Je le résume, mais c'est un peu ça. Donc, il va kidnapper le Père Noël avec certaines personnes. Il veut faire comprendre aux gens de sa ville c'est quoi Noël, de manière que lui l'a compris en allant dans... Oui, mais alors qu'il a rien absolument rien compris. Genre, on va faire des surprises aux gens, mais finalement, les surprises, c'est très dangereux. Tout ce qu'ils connaissent dans leur nature, c'est de faire peur. Oui, c'est ça. Fait que, il va fabriquer des cadeaux et tout ça, mais les enfants, quand ils vont recevoir le cadeau, ça va être des choses très, très, très, très, très effrayantes. Mais il fait pitié, il est juste plein de bonnes intentions, c'est triste. Oui. On l'adore, Jack, on l'adore. Puis il y a plein de trucs, il y a plein d'hommages à plein de films ou plein de trucs par rapport aux films d'horreur. Il y a clairement, c'est sa blonde, c'est clairement une référence right. à Frankenstein et tout ça. On a plein d'éléments vraiment trippants. Mais je pense que ce qui marque le plus dans ce film-là, ça reste sa musique. Danny Elfman. La la la la la la la la. Pom pom. Ah ton ton ton. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Écoute, c'est pour qu'il y ait autant de bands qui en ont fait des reprises de ces musiques, c'est tout dire. Puis même de tous ses films, si on compare à Corpse Bride ou à... j'allais dire à Willy Wonka, oui, c'est vrai, Willy Wonka, c'est lui qui a fait les chansons. Il n'a pas repris les chansons de... pas repris les chansons originales dans Willy Wonka. Non, il me semble pas, non. Non, ben, de toute façon, les chansons originales, c'était très, très simple. C'est tout le temps la même. Ben, ouais. Non, pas tout le temps. Il y en a une couple d'autres. Là. Ouais. Ouais, il ouais, y en a peut-être une ou deux là, qui sont en dehors du pattern. The Candyman des... Can, au début. Là, puis ah oui, c'est vrai. Gene Wilder qui chante Pure Imagination. Puis, Oui, c'est vrai. Ils sont tellement meilleurs que toutes les autres marques que Danny Elfman a composées oui. pour ce film. Puis, il n'avait même pas fait la toune des Oompa Loompa dans le film, je pense. Non, t'es comme Carl. T'avais une toune. T'avais une toune à faire, man. Une toune. Ça ne sauverait pas plus le film de toute façon. Non. Non. Mais bon, et puis c'est ça, Corpse Bride, mais c'est ça. Tout ce qui va ressortir de toutes ces comédies musicales-là qui baignent dans l'univers de Burton et de Elfman, c'est toujours Nightmare Before Christmas. Je pensais à Sweeney Todd, peut-être aussi. Ouais, mais Sweeney Todd, c'est pas Daniel. C'est ça, il a pas repris les tunes, mais il les a faites telles quelles. Ben, il les a faites, finalement, il les a pas faites. Non, je pense qu'il était même pas impliqué là-dedans, en fait. Peut-être dans la musique, non, même pas. Je pense que c'est le score original, là, tu sais, de la vie. Ouais, probablement. Ouais. Ça me surprendrait du contraire. Et moi, Nightmare Before Christmas, c'est un que j'aime le plus de Burton, parce que j'aime dire que c'est un film de Burton, parce que moi, c'est comme ça que j'aime Burton. J'aime Burton qui met sa touche dans un film et qui laisse le contrôle aux autres. Je le dirai jamais assez. Burton n'est pas un bon réalisateur, c'est un très bon directeur artistique. Oui. Un bon producteur, mais c'est ça. Il y a un personnage que je... Oui, excuse, je pensais... Non, vas-y. Il y a un personnage que j'aime, puis c'est vraiment banal parce que j'allais dire, mais un personnage que je trouve drôle, c'est la mère qui change de visage à tout bout de champ. Oui, avec sa tête qui tourne. J'avais un jouet comme ça quand j'étais jeune, qui avait plein de faces. C'est vraiment ça. C'est ça, il y a beaucoup d'originalité dans ce film-là. Puis... Faut dire, c'est quand même un de ses premiers. Ouais, c'est genre tout après Ed Wood ou dans ce coin-là. Ouais, c'est ça. Dans ses premiers où ce qu'il va à fond dans sa touche artistique, tu sais. Puis ça reste que tout. On dirait que tout ramène toujours à Nightmare Before Christmas. Tu sais, quand on réécoute ses films, on fait tout le temps comme ouais, ben dans Nightmare, il l'avait ça. Puis ça, il l'avait aussi. On dirait que sa touche est comme. Est brute là-dedans, je sais pas. Puis l'animation était cohérente. Visuellement, c'est super. Jack, autant qu'il est naïf, puis tout ça, que des fois, tu fais comme mais il est pas sain, lui. On l'aime pas tant que ça tout le temps. T'sais. C'est pas un beau Père Noël, tu sais. C'est pas un Père Noël que tu veux rencontrer. Tu vas pisser dans tes culottes si tu rencontres ce gars-là. Mais c'est ça. Écoute, je fais juste penser à son chien fantôme qu'on retrouve dans Frankenweenie, tu sais. Ouais. Tu sais, dans Frankenweenie, c'est carrément. Il y a carrément un clin d'œil à ça. Mais c'est ça, je sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Non, c'est une très bonne recommandation, je trouve. Ouais. De toute façon, je pense que tout le monde connaît assez bien The Nightmare Before Christmas. C'est un film que j'ai écouté souvent quand j'étais jeune, puis ça sonne track en boucle. Fait que j'apprécie beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, pour partir en musique, prendre une petite pause, on va y aller avec une chanson, évidemment, de Nightmare Before Christmas, mais on va prendre une reprise de la chanson Kidnap de Santa Claus, et c'est une reprise par Korn. Et on se retrouve après pour la suite de nos suggestions de films d'horreur de Noël. Trap and wait. When he comes a-snipping, we will snap the trap and close the gate. Wait, I- The Hooky Boogie is sure to get his kicks. Stand up the sucking clown, say what we will say. Lock him in a cage and then go away the king. Stand up the sucking clown, say what we will say. Lock him in a cage and then go away the king. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Alors, on est de retour pour parler de films d'horreur dans le cadre de la fête de Noël. Et on va continuer avec une suggestion qui vient de moi, ma seule suggestion dans le lot. Et c'est le deuxième épisode de la première saison de Tales from the Crypt. L'épisode qui s'appelle An All Through the House. Un épisode réalisé par Robert Zemeckis. Yeah. Et écrit par Fred Decker. Yeah! Ah, c'est-tu pas un beau mélange, ça? Et c'est... tu m'as dit que c'était Dr. Jekyll qui... Oui. C'est, dans le fond, c'est Larry Drake qui joue le Père Noël dans cet épisode. J'ai jamais vu Dr. Jekyll. Il était pas dans Darkman aussi, cet acteur-là? Oui, il fait Durant. Darkman aussi. Okay. Ben, écoute, un acteur quand même vraiment, vraiment connu et qui joue un Père Noël, ma foi, vraiment freak. C'est sûr que ça reste un épisode de Tales from the Crypt. On peut pas en parler de long en large. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode-là. Oui. Oui, de Jeff, non, mais Jeff, c'est un podcast. Si tu me fais un nom de la tête, le monde ne s'en fout. Non, je ne sais pas. Mais non, je ne connais pas vraiment la série. Tu sais, je connais un peu, oui, mais j'ai dit... Je sais pas quand ça passait. Vous en parliez tout le temps, puis je sais pas. Je sais pas à quel point ça passait ou quoi que ce soit. Fait que je sais pas. Écoute, je me souviens pas. Je viens juste que c'était le soir à la fin de semaine. Okay. Puis c'était un peu avant Bleu Nuit, je pense. J'ai vu le film de 72, Tales from the Crypt, puis on peut en reparler tantôt. Il y a une petite histoire de Noël là-dedans aussi, mais j'ai vu les films, tu sais. C'est tout ça, les films? Genre, ouais, c'est ça. Demon Knight. J'ai pas vu le deuxième, mais j'ai vu le premier. Ça, j'avais adoré ça avec Billy Zane. Zane. Ouais. Mais non, la série, j'ai pas vu. Vas-y. Moi, c'est quelque chose qui a vraiment bercé mon enfance. Puis, comme je dis de temps en temps, qui m'a initié à l'horreur. Et je connaissais pas cet épisode-là. C'est Pierre qui m'en avait parlé. Pierre, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le premier animateur d'Horror Gamer. C'est quand même lui qui a fondé le podcast. Il m'avait dit, il faut absolument que tu écoutes ça, c'est vrai, tu peux pas triper sa série et vouloir voir quelque chose qui a un lien avec Noël et ne pas écouter ça. Et c'est vrai, c'est genre, dans le fond, une femme qui tue son mari le soir de Noël, mais en même temps, il y a un freak qui s'est sauvé d'un ordi psychiatrique qui est déguisé en Père Noël et qui arrive chez elle pour la terroriser. Et il y a un genre de jeu de chat et de la souris, puis du gros humour noir... Il joue quand même un Père Noël assez freak, merci. Mais c'est ça, beaucoup d'humour là-dedans, comme la série sait si bien le faire. Puis je pense pas que j'ai bien d'autres choses à dire. Mais là, tu décris l'histoire, mais c'est exactement ça qu'il y a dans le film de Tales from the Crypt de 72. Le petit segment avec Elizabeth Taylor, puis un Père Noël. Puis c'est un... vrai, je m'étais fait dire que c'était. C'est vrai que c'était une reprise de ce segment-là. C'est qui m'avait parlé de ça? Probablement Danny ou quelque chose d'une gang d'horreur. Ouais, hein? C'est des gros fans de ce film-là aussi, je pense. Bon, pas possible. Tales from the Crypt. Parce en même temps, ce sont deux séries assez similaires. Là. Ben, je veux dire, c'est la série est tirée du film ou quelque chose comme ça. Là. C'est, ouais, c'est ben, une série du comic, je pense. Ou, Sûrement que c'était ça, les deux ont été tirés du comic. Ouais. Alors, Steven, tu as déjà vu Ça fait longtemps que j'ai pas vu l'épisode. Je l'ai vu une fois, mais comme toi, c'est une série qui a bercé mon enfance. Puis j'ai racheté tous les coffrets en DVD. Puis je déguste cette série-là. C'est tellement bon. N'importe quel fan d'horreur doit absolument avoir les Tales from the Crypt. Puis cet épisode-là en particulier, je trouve que c'est une bonne routine aussi pour le temps des fêtes à revoir. Il est vraiment fun. C'est un trailer. C'est un segment, un épisode qui arrête pas. C'est un peu un genre de Don't Breathe, dans le sens que un coup que ça décolle, ça l'arrête pas jusqu'à la fin de l'épisode. C'est vraiment un jeu de chat et souris dans la maison entre la fille et le tueur. Puis, non, c'est vraiment un excellent épisode de Noël. Puis, en même temps, Larry Drake, son nom, l'acteur qui fait le Père Noël, ouais. Il a tellement une face de psychotique. Là, il est juste trop parfait là, en Père Noël là, avec sa face toute crasse puis son costume tout déchiré avec sa grosse hache des mains. Là, j'adore. Là. Puis c'est Mary Ellen Trainer qui joue la femme. Bon, Jeff, toi, tu dois déjà savoir c'est ça qui Mary Ellen Trainer. Non, sérieusement, ça me dit quoi? Cherchez-la sur IMDb. Vous allez reconnaître son visage. On l'a vu dans un paquet de films dans les années 80-90. C'est vraiment une actrice qui nous dit tout le temps quelque chose. Qu'on fait comme, ah, quel film j'ai déjà vu, elle? Peu importe, elle est excellente dans le rôle. C'est vraiment un bijou de petit segment. C'est pas genre la psychiatre dans Lethal Weapon, dans la série des... Oui. Ah, c'est ça, OK, oui. Ouais. Puis, c'est ça. C'est le deuxième épisode de la première saison, puis si tu vois cet épisode-là, tu fais comme, OK, je pense que je vais vraiment aimer ça, Tales from the Crypt. Je pense pas que c'est représentatif de la série, par contre. Mais c'est tellement varié. Ouais, mais ça reste que, tu sais, je pense pas qu'il y a nudité ou... Il n'y a pas de trop gore dégueu dans celui-là. Ça reste un segment qui est humour noir, mais qui est plus dans le sérieux. Dans le sens qu'il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas de... Je sais pas. En tout cas, l'exagération n'est pas tant là. Je sais pas, j'arrive pas à mettre le doigt sur ce que je veux dire, alors je vais me taire. Mais que peu importe. M. Night Shyamalan, si dans ton renouveau de la série Tales from the Crypt, tu veux faire des remakes d'anciens épisodes, ça en serait un à faire. J'avais complètement oublié qu'il faisait ça. Oui, M. Night qui produit dans le fond, je sais pas s'ils vont dire que c'est la 8e saison, mais il produit une nouvelle saison de Tales from the Crypt. En même temps, chapeau, moi, revoir le Creeper chereux. Puis, gars, Shyamalan, je me suis réconcilié avec lui avec The Visit. Fait que c'est comme, vas-y. On va voir si c'est une réconciliation, mais on va voir s'il fait une rechute avec Split. J'ai quand même entendu des bonnes choses à date. Ouais, je suis confiant. On verra bien. Puis, c'est quoi déjà le titre de l'épisode que tu parles? All Through the House. Ok, parce que je check la page Wikipédia du film de 72, puis c'est ça le segment, c'est And All Through the House. Trois petits points, And All Through the House. Ça dit que c'est tiré de la bande dessinée de Vault of Horror numéro 35. Puis c'est avec Joan Collins. Je me suis trompé tantôt, j'ai dit Elizabeth Taylor, mais ils se ressemblent. C'est Joan Collins. Puis c'est la même histoire. Bon. Bon, ben Sébastien est allé s'occuper de son petit pendant quelques instants, mais pendant ce temps-là, nous autres, on va parler du prochain film dans la liste. Puis c'était une suggestion d'Audrey. C'était le Black Christmas original de l'année 74, si je me souviens bien, par le réalisateur Bob Clark, qui a fait d'autres films de Noël aussi. Il a fait Christmas Story 10 ans plus tard. Oui, ouais. Que j'ai vu vraiment sur le tard pour la première fois l'année passée. Ça, c'est un film qui a... Tu parlais tout à l'heure de bercer ton enfance avec les Tales from the Crypt, mais ça, Christmas Story, je l'ai vu souvent quand j'étais jeune. Mais Black Christmas, je l'ai connu moi plus tard, genre dans fin 90, début 2000, je pense. Ça a pris un bout de temps avant que je le voie, puis j'ai beaucoup, beaucoup aimé le film. J'étais content de voir qu'il y avait Margot Kidder là-dedans, puis elle a fait un personnage qui est complètement... un personnage qui me semble qui est alcoolique, je me souviens bien, en tout cas, qui est du genre un peu à l'opposé de qu'est-ce qu'elle faisait. Ouais, c'est ça, tout croche là, tu sais, puis t'as la jolie Olivia aussi qui joue le personnage principal, qui est comme ils vivent dans une maison avec Ils sont toutes des filles, ils vivent dans une maison, dans le temps des fêtes, tout ça, des étudiantes ou quelque chose comme ça. Puis il y a quelqu'un qui les appelle, puis qui laisse des messages inintelligibles. On comprend pas ce qu'il dit, puis c'est des messages louches. Puis, vraiment creepy. Vraiment creepy, mais l'audio là, de ces messages-là, là, je peux pas le reproduire là, de même au micro, mais c'est tellement... là. Ça donne il fait une voix d'enfant, là. Quand il se fait comme chicaner, puis il fait la voix de la mère en même temps, là. Puis, c'est Billy, ça, je pense ça donne la chair de poule. Oui, Billy, oui. Billy. Puis c'est ça, tu sais. Puis un moment donné, on finit par se rendre compte. Ben, on se pose des questions, c'est qui, puis tout, puis. Ça... Je veux pas rien spoiler, mais ça. Je voulais dire qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il est peut-être dans la maison. Tu sais, je sais pas qu'elle fera ça après combien de temps dans le film, ou en tout cas, mais. Est-ce qu'on, ben, je veux dire, sans spoiler rien, il y a du monde qui meurt. Fait qu'il veut pas, il faut bien qu'il y ait quelqu'un dans la tueur dans la maison, tu sais. Si c'est pas Billy, c'est quelqu'un d'autre, mais... Et c'est que je résume très mal le film. Mais tu m'aides pas! Ouais, ben, je te laissais aller, je trouvais que t'étais bien parti. Bon, ça y est, ben, je vous laisse, puis tout vire en chiant. Ah, ouais, ouais. Non, c'est parfait. Ben, gars, si tu veux, dis-nous ton opinion sur Black Christmas original, Sébastien. C'est un classique, sur lequel j'ai de la misère à adhérer. Ah ouais? Il y a beaucoup d'éléments que j'aime. Beaucoup d'éléments que j'aime. J'aime la voix du tueur au téléphone. Ouais, c'est ça qu'on disait. Il est vraiment creepy. Là. Puis il y a une couple de scènes. Tu sais, quand on le voit regarder, ben, il n'y a pas une scène aussi en haut des marches. Quand il j'essayais de pas trop le dire parce que je n'étais pas sûr à quel moment du film ça arrive, mais tu sais, on sait qu'il est dans la maison à un moment donné. Là, ouais. Ouais. Oh, mais ouais, non, j'avoue. Je sais pas si c'est un spoiler ou pas. Il y avait de quoi dans les kills qui m'intéressaient pas? Pourtant, il y a des kills très intéressants. Mais, le sac de plastique. Sac de plastique, mais il y a aussi la licorne. Moi, je trouve que c'est un excellent kill. Ça, je me souviens pas. La licorne en vitre. Ah, ça me dit de quoi? Oui. Ça révèle l'époque de quoi? Mais c'est ça, c'est... Il y a certaines présences d'histoire que je trouve vraiment trippantes. Et en tant que tel, le suspense, c'est pas là pour moi. C'est ça que je trouve plate un peu. Je trouve que l'origine est cool. Tu sais, certains flashbacks sont intéressants. C'est très vieillot. C'est beaucoup une intrigue policière aussi. Ouais. C'est très canadien, je trouve. Ça, c'est ce qu'il fait au Canada, ce film-là. C'est très. Ça a un filet. Il n'y a pas genre un acteur connu, genre John Saxon ou quelque chose comme ça dans le film. Ouais, exactement. Ouais, c'est lui, hein. Ok. Mais en même temps, Black Christmas, c'est un film, ça a pris du temps avant qu'il sorte un peu de l'ombre parce que Halloween l'avait comme mis de côté, puis tout le monde donnait des éloges à Halloween comme étant le slasher qui a comme changé la donne. Mais Black Christmas, il était là avant, puis lui aussi, il était là avec un intro en first person au début avec son tueur qui grimpe sur le côté de la maison, puis il a apporté beaucoup de choses. Et moi, c'est un slasher que je respecte beaucoup. Je respecte beaucoup Bob Clark. Je trouve qu'il n'a pas pris une ride. Honnêtement, son tueur est génial. Ses appels sont creepy. Ses personnages sont fun à suivre. Ils ne sont pas vraiment stéréotypés tant que ça. Je trouve qu'ils sont bien définis. Puis les 20 dernières minutes, je trouve que c'est un sommet de suspense en tant que tel. Là, à partir de là, je trouve que ça n'arrête plus. Et on a une fameuse scène culte avec l'œil de Billy que si vous croyez, si vous croyez sincèrement que l'œil de Ringu est creepy, regardez Black Christmas si c'est pas encore fait. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je suis pas capable de dire que c'est totalement mauvais parce qu'il y a trop de petits moments dans le film que je fais comme ça c'était cœur, ça c'était cœur, ça c'était cœur, ça c'était cœur. Mais je l'écoute jamais comme un yeah, j'écoute Black Christmas tout le temps comme ah oh, ok, je vais me le retaper, c'est correct. Puis tu dis, Steven, que tu respectes beaucoup Bob Clark. Tu le respectes encore même après Rhinestone? Écoute, on a tous des moments down dans nos vies où on fait des mauvais choix. Mais tu... oui, je respecte pareil. Ceux qui ne comprennent pas la référence, il faut écouter l'épisode Bras de fer. C'était quoi? C'était Rhinestone? Rhinestone, puis voyons. A Trading Places. Un fauteuil pour deux. Oui. Okay. Mais Bob Clark a aussi fait Porky. C'est bon, Porky. Oui, c'est vrai. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, moi, j'ai parlé. Il a fait The Christmas Story. Oui, je n'ai parlé au début. Tu n'étais pas là. Okay, excuse-moi. Oui. Oh, oui, mais c'est bon. J'ai pas vu le 2 qui a l'air pourri, là, The Christmas Story. Moi, j'ai l'impression que si on écoute le 2, c'est comme Christmas Vacation 2. Je pense que... Je suis pas mal certain que ça va être la même qualité. Christmas Story 2, là, ouais. Oui, je pense que oui. Oh, God. Mais je voulais dire, l'actrice principale, moi, j'aime beaucoup l'actrice principale de Black Christmas, puis elle a fait plein de bons films, là. Olivia Hussey. Puis oui. Si... Je pense que dans Gang, vous l'avez pas encore vu, mais Psychose 4, c'est elle qui fait Norma Bates, elle est super bonne là-dedans, avec Anthony Perkins. OK. Mais en fait, elle fait des flashbacks avec le jeune qui était dans E.T., là, qui fait Anthony Hopkins là-dedans, qui fait Norman Bates. Tu viens de me redonner un blanc parce qu'on avait fait un épisode sur Psycho 2, on avait pas mal trippé. Oui, c'est ça. J'étais comme, il faudrait que j'écoute le 3 et 4. On a tous dit ça, puis on l'a pas fait. Ouais, sauf que moi, je l'ai vu quand j'étais jeune. C'est que je les ai achetés, tu sais. Sauf que ça, moi, je l'ai vu plusieurs fois quand j'étais jeune, fait je m'en souviens bien. Puis c'est comme ça que je l'avais connue, elle. Puis quand j'ai vu Black Christmas, je suis tombé en amour avec elle, jeune. Je suis comme, t'es tellement cute quand t'es jeune. Mais t'es belle aussi plus tard, là. Mais ouais, j'essaie de chercher dans quoi d'autre qu'elle a joué. Il me semble qu'elle a joué dans... Roméo Juliette en 77. Ouais. Mais quand même, toutes les fois, je check, je me fais comme... Ouais, non, c'est pas ça. C'est dans quoi je l'ai vu d'autre. Non, c'est juste j'ai jamais retrouvé. Ou je la mélange avec quelqu'un. T'as peut-être vu dans un film... Non, j'allais dire un film biblique, t'en écoutes peut-être pas, mais je sais qu'elle a fait une Marie à un moment donné dans un... Marie de Nazareth. Je pense à un film pour la TV, quelque chose comme ça. Ouais, non, je pense pas que c'est avec ça. Je me... On connaît la fascination de Sébastien pour Jésus. C'est ça. Non, je la mélange avec l'actrice qui joue. Écoute, là c'est loin, là, fait que j'essaie de trouver. Ben écoute, c'est elle. Ah oui? Elle joue dans It. Ben oui. Elle joue la nouvelle femme de l'acteur principal. C'est là qui c'est vrai, exactement, va chercher à le suivre. Oui. Oui. Ouais. C'est une autre place que j'avais vue. C'était là-dedans que je l'avais connu, moi. Ouais. Mais pas très importante là-dedans. Ben, en tout cas, de tous les personnages qui ne sont pas des personnages de la gang originale, je pense que c'est le seul qui a vraiment une importance. D'ailleurs, parenthèse, j'écoutais une des nombreuses séries que j'écoute cet automne, ça s'appelle Conviction, avec l'actrice qui joue dans Agent Carter. Anyway, un des personnages secondaires dans l'intrigue de cette semaine, c'était le gars qui joue son mari dans Hit, là, qui joue l'acteur principal, qui joue... c'est pas Georgie. Il joue... Bill, ouais. Mais adulte, ouais, bon, j'étais juste content de l'avoir 25 ans plus tard après Hit. J'étais comme, il est encore... Jonathan Brandis? Non, pas le jeune, l'acteur. OK, lui. Pas celui qui jouait... excuse. Qui joue, il s'appelle Richard Thomas. C'est ça. Il avait les cheveux blancs, c'était ben, presque blanc. Ça, petite parenthèse. Tout mène à tout. Ouais, puis John Ritter est dans Hit, puis il joue dans Bad Santa, c'est un film de Noël. What the fuck? Tim Curry, il joue dans Home Alone 2. Hey, c'est un bon film de Noël. Tout le monde dans Hit joue dans des films de Noël. Après ça, je te suggère de plugger un autre des acteurs de Hit. Si je fouillerais, je pourrais en trouver un, je suis sûr. Là. En tout cas, Annette O'Toole a joué dans... Pas Annette O'Toole, mais celle-là qui joue sa jeune version. Elle joue dans Sister Act. Ginger Snap, Sister Act. C'est pas pareil. C'est pas toute la même. Elle chante avec des nonnes, là, puis elle se transforme en loup-garou pendant qu'elle chante. Puis... Ah, c'est mes monstres! I love it! N'importe quoi. Hey, God. Hey, c'est pour ça que j'anime pas ce show là tout seul. Puis on imagine s'il y avait personne pour reprendre mes lapsus. Ce show là, le monde écouterait et ferait comme qu'est-ce qu'il dit. Excellent film d'horreur canadien, Sister Act. Sister Act. Oh, God. Ginger Snap avec Whoopi Goldberg, ça serait carré aussi. Hey, puis le remake. Je sais pas si vous l'avez vu, pas le remake de Sister Act, mais ni de Ginger Snap, mais de Black Christmas. Ben oui, c'est moi qui le suggère, et là j'entends du monde. Ah, comment oses-tu? Ben moi, j'adore dans un certain sens ce film-là. On va dire que c'est pas vraiment un remake. Oui, ça utilise un peu les mêmes choses dans le sens qu'on en retrouve une maison de sorority avec des filles, puis Billy. C'est la même prémisse. Ouais. C'est la même prémisse, mais c'est traité tellement de manière différente. C'est très cartoon et très grotesque, mais en même temps, ce qui est vraiment le fun, je trouve, moi, avec ce film-là, je crois que j'ai jamais vu un film de Noël où que tu retrouves dans chaque fucking plan une décoration, des lumières. T'as tout le temps une ambiance qui crève l'écran de Noël. C'est hallucinant. La photographie, comment le visuel est traité dans ce film-là, c'est débile. C'est vraiment parfait pour écouter durant le temps des fêtes. En plus que le soir, la dame Billy utilise juste des décorations de Noël ou des trucs reliés à Noël pour tuer les gens, des cannes de Noël, des lumières pour étrangler. T'as même le feedback des origines de la jeunesse de Billy où tu vas voir sa mère qui va utiliser une victime puis avec la peau, elle va faire des biscuits de Noël avec des formes de Père Noël, de reine, puis tout ça. Vraiment, le film est rempli d'esprit de Noël, mais c'est surtout vraiment le fun. Oui, c'est comme je dis, c'est très grotesque. Les dialogues sont souvent ridicules. On en retrouve des clichés vraiment comptés, comme voir que le personnage pense à faire ça ou fait pas ci. Mais en même temps, c'est tellement gros que ça en est drôle maintenant. Je crois que c'est un film qui se digère mieux aujourd'hui que lorsqu'il était sorti à l'époque. Fait qu'il faut pas forcément le comparer. Et il y a beaucoup d'actrices qui sont vraiment connues maintenant aujourd'hui, qui lorsqu'on écoutait ce film-là, on portait peut-être moins attention, mais moi, je suis vraiment devenu un très gros fan de Mary-Elizabeth Winstead, qui jouait dans Scott Pilgrim, dans oui. Temple of the Land. C'est vraiment une putain de bonne actrice qui est encore un peu sous-évalué, je trouve, mais là, elle commence à sortir de plus en plus. Et là-dedans, elle est vraiment le fun. Puis les autres actrices aussi, il y a comme Michelle Trash Tenberg, qu'on a Trash-Tenberg, ouais. Dans Buffy. Ouais, dans Buffy, dans Road Trip aussi, ouais. Puis il y a quand même plusieurs. Il y a même Andrea Martin qui est là, du film original, si je ne me trompe pas, c'est-tu elle? Ou je me mélange d'actrice? Ah. Ça ne me dit rien. Là, il va falloir que tu valides tes sources. Oh oui, là, je suis en train de vérifier rapidement. Là. Oui, c'est ça. Tu vas pas nous dire n'importe quoi ici. Là. C'est moi non. qui fais ça d'habitude. C'est elle qui joue le personnage de Phil dans le Black Christmas original. Fait que un petit clin d'œil à ça. Elle joue dans Hit. Puis c'est que ça serait drôle, ça serait vrai. Ça serait crispant drôle. Puis le film est vraiment gore. Fait que moi, pour moi, c'est du gros bonbon. Puis comme je dis, je pense que j'ai jamais vu un film de Noël qui reflète autant Noël. Honnêtement, l'atmosphère qui se dégage de ce film-là, c'est vraiment hallucinant. Est-ce que vous l'avez vu? Non, j'ai tout à bouder. Non, mais à ce temps que tu dis que Mary-Elizabeth Winstead est dedans, je veux le voir. Ouais, c'est ça. On va le voir tout de suite. Salut, podcast. Bonne soirée. Bonjour, Noël. Ouais. Ben écoute, Steven, tu le vends bien. Oui. Ça n'a pas prononcé. Les gens passaient d'accord. Oui. Il n'a pas fait un signe. C'est le oui le plus convaincu. Tu le vends bien. Oui. Oui. Oui. Jean-François, est-ce que vous voulez prendre Caroline pour épouse? Oui. Bientôt sur une affiche de film, plein de critiques. Oui. Oui. Jean-François Tremblay. Oh, mais j'ai mal. Après est-ce tout homme up, ça va être oui. Oui. Sur mon trademark, ça va être oui. Oui. Deux thumbs up, c'est oui, oui. Oh god. Je l'ai pas mentionné, mais c'est réalisé par Glenn Morgan, qui a été souvent producteur pour X5. Et c'est lui aussi qui a réalisé Willard avec Crispin Glovin. Excellent remake. Excellent remake. Puis je trouve que ce gars-là a vraiment un flair visuel quand même propre à lui. Puis t'écoutes Black Christmas, puis Willard, t'as reconnais son style. Puis je trouve ça dommage qu'il n'ait pas fait d'autres films après ça. Mais en même temps, Black Christmas s'est fait démolir et ça n'a pas été vraiment un gros succès. Fait que j'imagine que ça l'a... Je seconde que t'es un bon vendeur. Tu le vends bien. C'est plein de bons éléments, là, jusqu'à date. Pourquoi ça n'a pas marché, ce film-là? C'est quoi, ça fait je pense que c'est surtout des comparaisons à l'original. Faut essayer de mettre les films d'un bord puis de l'autre là, sont loin d'être dans le même dans la je même. Je pense que Sébastien dirait que les gens sont trop attachés à l'original. Il est pas si hot que ça. Et voilà. Et aussi, c'est toujours l'idée. C'est toujours. Vous êtes mieux de respecter l'original, mais que j'ai envoyé un le copier. C'est ça. C'est tout le temps. Ok, qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu qu'on fasse les kills pareil? Non. Mais si on fait pas les kills pareil, tu vas dire c'est pas comme l'original. Est-ce qu'on peut tout faire comme Gus Van Sant puis refaire Psychose, là, tu sais? Ouais, c'est ça, on va tout faire. C'est ça, voilà. Ah là là, les gens. Hashtag. Hashtag. Hashtag. C'est drôle parce que quand dans la liste de suggestions que j'avais, que l'équipe avait faite, devant ceux que j'avais pas vu, j'avais mis un hashtag. Et là, on est sur un hashtag. Alors, hashtag assassinat du Père Noël, JF. Oui, parce que j'aime mieux que tu passes avec le mien, parce qu'on va finir en beauté tout à l'heure avec le dernier. Ben oui. Ça va être le fun. Ben oui. Parce que le mien va peut-être ramener l'ambiance. Ouh, non, c'est pas. Je sais pas. Steven, il est bon vendeur. Steven, il aime pas ça. Steven est bon vendeur, là. Steven est bon vendeur, mais JF non. Là, Steven, il déteste quand je dis ça. Je dis, ah, oh, le monde, ils aimeront pas mon film. C'est pas, je le dis d'avance, là, okay, c'est pas un film d'horreur. J'ai pensé toute la journée, à dire, je vais-tu en parler, je vais-tu pas en parler. C'est pas un film d'horreur. Mais c'est pas un film d'horreur, que... c'est pas un film de Noël. Non, c'est la mélodie du bonheur. Ok. C'est les fous du surf ninja. Exactement. C'est bon, ça. L'assassinat du Père Noël, c'est un film de 1941. Tout le monde dort. Hey, tu t'aides vraiment pas, là. Oh. Un film français. 1941. Oh. C'est ça. Puis, ben, en ça... noir et blanc. En noir et blanc. Pas de sous-titres, c'est en français. Mais... 3h44. Puis il n'y a pas de Père Noël, il n'y a pas d'assassinat. Oh God. Non, c'est pas vrai, il y en a. Ok, l'assassinat du Père Noël. Ça se passe dans un petit village en France qui est dans les montagnes. Puis tu sais, il y a à peu près genre 10 pieds de neige partout. Ils sont coupés de partout. Il n'y a pas de route praticable nulle part. Fait que tu sais, puis tu as vraiment l'ambiance de Noël. Tu sais, vraiment, vraiment les enfants qui jouent partout dans les chemins. Puis tu sais, j'ai vraiment une grosse ambiance de Noël dans le film. Puis le village a un petit côté. Je veux pas que le monde parte en peur avec ça, mais un petit côté Twin Peaks. Mais c'est pas mystérieux, bizarre comme Twin Peaks. Mais t'as des personnages... Ça va pas partir en peur. Mais t'as des personnages colorés, tu sais. T'as littéralement, dans ce film-là, pour ceux qui se rappellent de leur comptine d'enfance, t'as la mère Michelle qui a perdu son chat, est dans ce film-là. T'as un personnage, dont la madame qui cherche son chat partout. Puis tout le monde dit, ben, on l'a pas vu, ton chat, on l'a pas vu. Puis elle, c'est un peu comme la Log Lady dans Twin Peaks. Elle sort des phrases cryptiques à tout bout de champ, puis le monde la regarde, c'est comme... ok, c'est bon, je n'ai pas trop compris. T'as, le personnage principal, c'est un fabricant de globes terrestres, un vieux monsieur. Sa fille qui est adulte, elle est... Un métier très, très, très, très en vague encore aujourd'hui. Oui. Mais j'en voudrais un, je pense que j'y en achèterais un, ces globes sont beaux. Mais sa fille est adulte, puis elle vit de tout temps recluse dans sa chambre, puis elle attend le prince charmant, puis tout, puis elle est comme endormie un peu dans sa tête, tu sais. Puis t'as un gars qui est le baron qui vit dans un château pas loin, puis lui, il réapparaît après 10 ans d'absence, puis les gens se demandent qu'est-ce qui s'est passé avec lui, pourquoi est-ce qu'il était parti, puis tout, puis ce mystère-là. Puis bon, c'est ça, notre personnage de fabricant de globe terrestre, lui, à chaque 24 décembre, se déguise en Père Noël pour les enfants du village, tout ça. Puis là, ben, il va se passer quelque chose, qu'il va se faire voler son costume, puis il y a quelqu'un d'autre qui va... À un moment donné, ils vont découvrir le Père Noël mort dans neige, puis c'est quelqu'un d'autre. Puis là, il faut qu'on comprenne c'est qui cette personne-là, puis qu'est-ce qu'il faisait là, puis qui c'est qui l'a tué, puis tout. Fait que c'est plus un meurtre et mystère. Mais je trouve le film le fun, c'est divertissant, puis il y a de l'humour, puis tout. Puis là, je le dis, il n'y a pas de gore, il n'y a rien. Fait que c'est, vous dites, pourquoi tu parles de ça, là? J'aurais pu en parler dans le bras de fer. C'est pas un film d'horreur. Mais il n'est pas obligé d'avoir du gore. Non, en fait, non. Puis c'est ça. Puis j'aime l'ambiance de Noël. Moi, ça me va vraiment dans le mood de Noël. Il est vraiment, tu sais, t'as tout de Noël là-dedans. Puis j'aime le mystère. Il est intéressant, mais c'est surtout les. Au-delà du mystère, c'est surtout les personnages que je trouve le fun. Puis l'ambiance, tout ça, je le dis depuis tantôt. Ce que j'ai appris. Si, selon JF, tu sais, t'enlèverais le meurtre du Père Noël, puis ça serait encore meilleur. Presque, non. Mais j'aime bien ça. Puis tu sais, c'est ça, c'est basé sur un livre. Je l'ai le livre ici, je l'ai déjà lu. C'est différent, là. Il y a plus de détails, puis il y a des personnages qui sont pas dans le film, qui sont dans le livre. Puis je recommande plus le livre. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec le film, je vais y venir, là, ce que je voulais dire. Je l'ai appris cette semaine, puis je le savais pas. Moi, j'ai revu le film cette semaine pour en parler, pour être sûr que je voulais pouvoir en parler de ça. Puis après l'avoir vu, j'étais sur Wikipédia, puis je commence à lire un peu. Puis j'apprends que c'est le premier film qui a été fait en France sous l'occupation nazie. T'sais, les nazis, ça faisait genre un an qu'ils étaient là en France. Puis là, c'est le premier film qu'ils ont fait. Ils en ont fait plusieurs après ça. Mais les nazis supervisaient tout. Puis eux autres, ils pensaient... Je ne sais pas ce qu'ils ont lu dans le scénario, mais ils pensaient que le film... voyons, portaient leurs valeurs à eux autres. Mais c'était pas le cas pantoute, parce que les auteurs du film, ils ont réussi à passer des petites affaires en douce dans le film, des petits messages que c'était pas ça, c'était pas du tout pro-nazi, mais tout le contraire. L'acteur principal qui fait le marchand de globes terrestres, le fabricant de globes terrestres, s'est fait enlever par la Gestapo pas longtemps après le tournage du film, puis il s'est fait torturer pendant très très longtemps, puis il est mort des séquelles de sa torture, tout ça. Puis ben c'est ça, le film passe des messages de paix dans son scénario, puis des trucs comme ça. T'sais, à la fin, il y a un personnage qui raconte l'histoire d'une princesse qui est endormie, puis qui attend le prince charmant, puis les gens parle sur Wikipédia c'est une métaphore, c'est pour la France qui était coupée du monde puis endormie tout ça, puis qui attendait son sauveur dans le général de Gaulle, tout ça. Fait que tu sais, c'est une œuvre importante dans ce sens-là, qui essayait de parler de ce qui se passait en France, mais à demi-mot, tout ça là. Puis t'as l'acteur principal qui s'est fait torturer, que je trouve assez horrifique là, comme sort là. Fait que c'est pas de l'horreur, je sais, là. C'est pas vraiment un film d'horreur de Noël, mais j'aime ça, parler de films qui sont un peu dans marge, là, tu sais, que, comme j'ai fait avec ma liste de Noël, ma liste de 31 jours, fait que... Là, Steven, t'as-tu remarqué ce qui s'est passé? GF, le master trivia des films, nous a sorti un film de Noël avec des trivia horrifiques. C'est trivia qui est horrifique. Ouais, c'est ça. Il vient de sauter... un deuxième degré, là, il est rendu bang. Over the top. Bang! Drop the mic. Ces trivia sont plus épeurants que son film. Non, mais c'est vraiment intéressant, pareil. Ouais. C'est toujours ça ridicule, mais c'est vraiment cool. Hein? Non, c'est ça. Mais je le regardais l'acteur, puis je le trouvais bon, puis j'étais comme, ah, il est sympathique, puis tout. Puis après ça, tu lis ça, tu fais, OK, my God, c'est vraiment dull. Là, que... Le livre a-tu été écrit avec le film? C'est en 34 c'est quoi, qui a été écrit. Et ok, pourtant, fait qu'ils ont pris une histoire qui existait avant. Ouais, mais tu sais, la montée du nazisme commençait déjà. Mais je sais pas si le film, si le livre parle vraiment de ça, là, de toute façon. Puis c'est drôle parce qu'au début de mon livre, c'est marqué, tu sais, 1947. Puis là, je regardais ça, je suis comme, mais ça se peut pas, le film d'être 41. Fait que pourquoi c'est marqué qu'il a été publié en 47? Ma blonde a dit, ça se pourrait que le livre n'a pas réussi à être publié après la guerre, tu sais. Il a fallu que la guerre finisse pour qu'il puisse être publié, peut-être. Peut-être qu'ils ont fait le film à partir d'un manuscrit ou quelque chose comme ça, je sais pas. Fort probable. Mais c'est pas obligé d'être une première édition? C'est une première édition? Non, ben je sais pas. C'est le livre de poche, là, tu sais. J'ai déjà une édition là. Mais c'est cool! C'est pas connu, cool. Je voulais en parler parce que le monde le connaît pas. Je me souviens plus comment j'ai pogné ça. C'était probablement à TV quand j'étais jeune, puis c'est une copie que j'ai sur VHS. Puis tout. Mais il existe en DVD le film aussi, là. Je veux juste mentionner rapidement que lorsque j'étais plus jeune, le manteau que j'ai eu pendant plusieurs années avait des petites poches. Fait que vos astuces de livres de poche rentraient pas dans mes poches. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il se passe? On va toutes les renvoyer à la compagnie qui fait ça, c'était maudit, qui rentre pas dans les poches. À cette heure des liseuses, ça rentre bien dans les poches. Ben oui. Fait que c'était ça pour mon petit film de pas d'horreur. C'est très cool. Mais de Noël. Puis ben, t'as raison, Jeff. Je te laisse nous gâter en nous présentant le dernier film qui va remettre de la joie dans nos cœurs. Oui. C'est un film sur des créatures qu'il faut pas nourrir après minuit, qu'il faut pas faire toucher à l'eau, puis qu'il faut pas exposer à la lumière. Je sais pas de quoi on parle. Tremors? les Ghoulies? Les vampires? Les Critters? Critters? C'est les Gremlins! C'est une suggestion d'Audrey, mais je pense que ça pourrait être une suggestion de tout le monde. Non, c'est pas simplement ça, c'est Mac et moi. C'est. Comment est-ce qu'il fait ça? Écoute. Gizmo, comment est-ce qu'il chante là? Ouais, il fait un chant de. On dirait qu'il ronronne aigu. On s'entend-tu que s'il y a bien un classique de Noël que pratiquement tout le monde a dans sa liste et qu'on va se mettre d'accord, c'est bien Gremlins. Ouais, puis ça c'est le film de Noël qui va faire toutes les listes, peu importe. Là, on le met dans notre liste de films d'horreur de Noël, mais peu importe. Le film familial de Noël, comédie de Noël, ça va l'être. Là, ben, curieusement, peut-être moi, je l'oublie tout le temps. C'est bizarre. Ah ouais? Je ne l'ai pas revu depuis, depuis un bout de temps, depuis très longtemps. Mon Dieu. Mais j'ai toujours préféré le 2. Fait que... Ah oui, oui, oui, moi aussi, ça a toujours été le 2, mon préféré. C'est qui arrive. C'était plus technologique, ça se passait dans un gros immeuble. C'était plus Die Hard, quasiment. Fait que... Ben, c'est parce que le 2 était excessivement focusé sur l'humour. Oui. Et le taux d'érision, puis le méta. Ouais. Le 2, c'était un gros Puis tu sais, le 2 il est sorti n'importe quand j'avais 12-13 ans. Fait que moi, c'était en plein. J'avais du fun. T'sais, le premier était sorti, j'étais trop jeune. Puis il fallait que je le voie par après, je pense. Le premier, quand il est sorti, je sais plus c'est quoi l'année, j'oublie, mais. Ça m'avait quand même fait peur, là. Tu sais, ça reste que. Des bonnes scènes d'horreur. Ouais, 84. Les créatures sont quand même épeurantes. Tu sais, 84, j'avais 2 ans. Je veux dire, j'ai peut-être vu quand il a fini par sortir en VHS à l'époque. Ça prenait 3-4 ans avant que ça sorte en VHS. La scène de la cuisine. Avec la mère du sapin, là. C'est de l'horreur, ça, là. Il y a quand même la vieille madame qui se fait tuer. Oui. Ça, c'est du politiquement incorrect. Tu n'aurais jamais vu ça dans un film général, familial, là, de nos jours, là. Oublie ça. Une vieille madame qui se fait tuer avec sa chaise qui revole à travers la fenêtre. Pendant longtemps, je pensais que le comment il s'appelle, le monsieur un peu freak qui est là dans le 2 aussi, là, qui est joué par... Dick Miller. Ouais, monsieur Futterman. J'étais sûr qu'il crevait, moi, dans le premier. Là. Quand tu le vois dans le deuxième, tu fais comme « OK, il est pas mort, phew! » Mais j'étais sûr qu'il se fait tuer avec sa siffleuse. Celui que je pense, c'est Dick Miller, ben c'est un autre. Oui, Dick Miller, non, oui. C'est bien qui est dans tous les films de Joe Dante, quasiment, puis de Roger Corman, dans plein de films de Roger Corman. Oui, mais dans le fond, tu l'avais dit, Jeff, que c'était Joe Dante qui l'avait réalisé? Ah, j'ai oublié, non, c'est Joe Dante. Chris Columbus qui l'a écrit. De Home Alone? Le réalisateur. Home Alone, Goonies et certains Harry Potter qui a réalisé, je crois. Les deux premiers, je pense. Ou le premier. Les deux premiers, oui, en effet. Et bon, supposément, peut-être produire le troisième Gremlins, qui sait. Ouais, ça traîne, là. puis ça mettait quand même en vedette la très jolie Phoebe Cates. Oui. Mm. On avait tout un petit kick sur elle. Écoute, comment tu peux ne pas avoir un kick sur elle, Colin? Moi, c'est drôle parce que quand j'étais jeune, j'avais une voisine qui ressemblait à Phoebe Cates. Mais elle était vraiment trop jeune, tu sais. Genre, ça se pouvait pas, là. Genre, avec 6 ans de moins que moi, tu sais. Fait que tu peux pas, c'est comme, tu fais comme juste, c'est Phoebe Cates, mais elle est beaucoup trop jeune, tu sais. Fait que tu fais comme, mais non, c'est maudit. C'est quand pour mon âge. Là, il allait l'écœurer, puis elle faisait, fais de l'air, Seb. Phoebe Cates fait de l'air frais. Toutou. Film de ma jeunesse. Ça, c'est un futur fan de regarder les films, si jamais cette série revient. Mais, ah non, écoute, Gremlins, l'humour du Noël à fond, là, écoute. Puis des effets creepy que les Gremlins, puis c'est drôle. Ah, oui. Puis des effets spéciaux, là, à souhait. Hey, les œufs, là, sont-ils dégueulasses dans le... Hey, tu parles de scène d'horreur, mais je pense que la scène d'horreur que je trouve... Là, moi, qui me foutait vraiment la chienne, c'est à l'école. Quand oui, dans la question. Ouais, avec le prof. Le professeur. De bio qui fait. Il écoute un documentaire, puis il y a un cœur qui bat, puis tu sais que pendant ce temps-là, l'œuf est en train d'éclore, puis tout ça. Puis ah, c'est freakant. C'est, il y a vraiment un bon petit suspense là-dedans. Puis. Qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus? C'est des créatures qui sont tellement devenues mythiques et moi, en fait, je crois que c'est ma scène favorite, la scène dans le cinéma qui est un véritable délai où toutes les Gremlins vont triper puis chanter sur Blanche-Neige et les Sept Nains. C'est comme... C'est du bonbon, cette scène-là. Ouais. Alors, quand je pense à Gremlins, c'est une des images qui me viennent première en tête. Oui, vraiment. Du cinéma, là. La scène du bar, parce que c'est un gros n'importe quoi, puis c'est drôle parce qu'on on voit souvent... C'est ça. Gremlin, c'est soit la scène du cinéma, puis on dirait la scène du bar. Parce que quand on va penser à quelque chose qui fait très humour Gremlins, on dirait que l'humour de ce film-là est tout rassemblé dans cette scène-là, parce qu'ils sont juste complètement n'importe quoi. Là. Ils jouent au poker, ils se tirent dessus. Il y a l'autre accroché après le fan du plafond. T'en as un qui joue les vieux bonhommes pervers avec son manteau, il rouvre comme s'il était tout nu. c'est vraiment du n'importe quoi. Puis t'as Phoebe Cates qui le sert à boire. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Mais tu veux juste t'en aller, ils vont te servir tout seul. Ils te donneront pas de pourboire, anyway. Gizmo est tellement cute. Non, on en veut tout un, tu sais. Même, moi je me souviens... quand ils ont fini par sortir, il y a plusieurs années, des toutous Gizmo qui chantaient. Au club vidéo, on en avait, mais on les vendait comme des pains chauds. Là. Tout le monde voulait son toutou de Gizmo qui chantait. Là. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas. T'as un bébé à la place. Non, non. Hein? T'as un bébé à la place. Bon, regarde, j'ai fait ce que je pouvais. Mais s'il faisait un 3, moi j'aurais peur des effets spéciaux. Je pense que tout le monde, c'est la plus grosse crainte, hein? Parce que autant qu'on sait qu'on est capable de faire des bons CGI, là, puis qu'il pourrait faire des trucs très très cool avec les CGI. Des Gremlins comme Gollum, ou c'est pas vraiment ça qu'on veut, tu sais. Moi, je dirais un mix. Moi, ce que je te dirais, c'est que je veux mes Mogwai en vrai, puis mes Gremlins, ça me dérangerait peut-être pas qu'ils soient en CGI. C'est sûr qu'ils pourraient faire plus de choses, c'est sûr et certain. Parce que, tu sais, un gizmo, faut que le gars manipule un vrai gizmo. Faut que la personne... Faut que tu sentes que Gizmo, tu peux le coller, puis tout ça, tu sais. Mais c'est sûr qu'une armée de Gremlins à la Planet of the Apes, les nouveaux, ça pourrait être quelque chose de... Tu sais, pourrait faire plus d'affaires, là, tu sais. Tu sais, c'est ça, il peut avoir des trucs cool, tu sais. Puis moi, depuis que j'ai vu Jungle Book, j'ai plus trop peur sur le CGI, là. J'ai plus confiance. Ça dépend du travail aussi, hein. C'est pas tous les films qui sont égaux au niveau de la qualité du CGI. Non. Tu te regardes Jungle Book, tu dis wow, on touche le réalisme, puis tu regardes d'autres productions, puis Birdemic. C'est comme on dirait qu'on en revient. Qu'est-ce que t'as dit? Birdemic. Birdemic. Birdemic. Je t'allais l'opposer, mais regarde. Ouais, oui. Mais tu sais, parce que dans le fond, c'est ça. Ça reste que c'est cartoon un peu, Gremlins. Oui. Tout dépendant qu'est-ce qu'il embrasse comme feeling, ça pourrait marcher, tu sais. Ouais. S'il essaie de rendre ça cartoon, mais c'est ça, ça reste que ce qu'on tripait, moi, ça, c'est que je veux un gizmo que je peux serrer dans mes bras. Ouais, c'est clair, là. De toute façon, je vais être bien honnête avec toi, ça, c'est un cas de Ghostbusters 3, dans le sens que, honnêtement, je doute qu'on va avoir un Gremlins 3, puis à la limite, ça va être un remake. Juste des Gremlins filles. Tout du rouge à lèvres comme ça dans va, le 2. Ça va être Gizmoon. Je cherchais un féminin Gizmo. Gizmo. Oh, comment, me. Hein? Gizmoon. Ça va être Gremlin avec un E. Ça, il va s'appeler Girlsmo. Ce qu'il y a au moins avec un Gremlins 3. On aurait moins de problèmes, c'est que, il n'y a pas d'acteur, tu sais. Oui, j'aimerais ça revoir Zach Galligan. Qui fait rien d'autre à part ça. Ouais, c'est ça, j'aimerais ça le revoir, tu sais. Pour qu'il puisse manger. J'aimerais ça revoir Phoebe Kate dedans, tu sais. Mais, ouais, Zach Galligan, Dick Miller, es-tu... Il est encore vivant? Oui, il a fait un documentaire il y a quelques années, il y a 2-3 ans sur sa vie, puis c'est la dernière chose que j'ai entendu dire de lui. Là. Il est né un 25 décembre! Oh! Ah ben... C'est un bébé de Noël! Il aura 89 ans cette année. Écoute, ça serait le fun de le voir peut-être en vieux sage qui nous raconterait la légende des Gremlins, hein? La manière que tu as dit ta phrase, écoute, ça serait le fun de l'inviter, tu sais, pour sa fête. Ça serait le fun, je sais pas, je le verrais en vieux sage, exemple, qui nous raconterait la... Il pourrait remplacer le vieux chinois. Oui. Plutôt que d'avoir le vieux chinois, ce serait lui, tu sais, qui s'occuperait de tout ça, qui raconterait la légende. Mais tu sais, il y a comme rien de sacré dans Gremlins. Il y a des trucs qu'on aimerait voir. Puis je sais que faut que Gizmo y soit, là. Ouais. On voudrait pas un nouveau Mogwai, on voudrait Gizmo. Puis il faudrait juste que le chef ait des spikes. Puis on l'a pas mentionné, mais la soundtrack de Jerry Goldsmith est inoubliable. Ah, malheureusement, Jerry Goldsmith, il est mort. Fait que c'est sûr qu'on pourrait pas retrouver une nouvelle soundtrack de lui. Cette soundtrack de film-là est très très bonne. Il y a des thèmes là-dedans qui sont... qui reste en tête là. Puis ceux, écoute, je dérape un peu là, mais ceux qui aiment un peu le rétro gaming, Gremlins 2 au Nintendo est un très très bon jeu. C'est rare des jeux de films qui sont bons. Oui, puis il reprend quasiment l'histoire du 2 avec les personnages du 2, puis la soundtrack du jeu, c'est la soundtrack des films. Wow. C'est ça qui est le fun. Tu joues au jeu, puis c'est tous les thèmes qu'on a déjà entendus dans le film. Est-ce qu'à un moment donné, Gizmo irait déguisé en Rambo aussi dans le jeu? Oui, ben tu te ramasses avec ton arc. Ok, je veux jouer. Je veux jouer, c'est clair. Il coûte pas cher, là. Tu t'achètes ça. C'est dur, mais c'est le fun. Puis il y a des cinématiques. Cool. Nice. Parce que tu revois les scènes du film. Ils refont des scènes du film en graphique du Nintendo. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Le mot Gremlin, mais l'histoire un peu des Gremlins avant le film, avant les... C'est un peu comme une légende de Ben, une bibitte. Ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale. Ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale. C'est les pilotes qui parlaient de Gremlins, qui étaient comme des créatures mythiques, un peu comme des petits lutins maléfiques. Dans le fond, qu'il y avait des pépins techniques, ils mettaient ça sur le dos des Gremlins. Ils étaient accusés de détériorer les voitures, de casser les moteurs, etc. Dans l'imaginaire de l'époque, le Gremlin est farceur, mais aussi protecteur. Les pannes dont il est accusé ne sont jamais mortelles. Il est réputé pour s'attacher à un pilote ou à un avion particulier qu'il prend comme victime de ses farces répétées, mais veille cependant à sa pérennité. Puis je sais que Roald Dahl, celui qui a fait The Witches, puis le roman de Charlie et la chocolaterie, tout ça, il a écrit un livre, puis ça l'a popularisé pas mal, le personnage du Gremlin, tu sais, dans les années 40. Okay. Puis tout l'épisode de Twilight Zone avec William Shatner, puis qu'ils ont fait avec ça avec John Lithgow, ça c'est un Gremlin aussi. C'est un Gremlin. Le personnage de Dick Miller dans Gremlins raconte une histoire de Deuxième Guerre mondiale avec des Gremlins. Ça, j'avais oublié, ok. Fait trop longtemps. Puis c'est un peu de là dans le film, ils finissent comme par utiliser l'expression Gremlins nommer à cause de son histoire là-dessus. Il y a un épisode de Lore, le podcast que j'aime bien, que je parle de temps en temps, qui traite des Gremlins. Ah, ok, cool. Puis il y a aussi un épisode des Simpsons avec l'autobus de Bart. L'épisode de Halloween qui reprend cet épisode-là de Twilight Zone. Puis la page de Wikipédia qui parle de ça en français, elle fait un lien aussi pour les Femlins, que je vous ai envoyé tout à l'heure un lien. Les Femlins sont de petits personnages féminins aux formes rebondies qui hantaient les pages du magazine Playboy. Fait que tout à l'heure, tu cherchais un nom féminin, là, les Femlins. Ça, je connaissais pas ça. Mais non, je pense que c'est mythique. C'est mythique, puis il y a... Ce que j'aime avec Rick Gremlins, c'est que c'est pas une... C'est quelque chose que tout le monde s'entend pour dire que ça a bercé son enfance, puis qu'on a aimé, puis tout ça. Mais c'est pas quelque chose qui a été... Je cherche le terme qui a été surutilisé, moussé, qui a été, tu sais, là, qui a eu des campagnes de marketing après, puis de produits dérivés qui finissaient plus. On dirait que ça a comme été traité avec respect, cette série-là, tu sais. Ouais. Admettons, on parle des Ghostbusters. Des Ghostbusters, il y a eu shitload d'affaires, tu sais. On n'a jamais arrêté d'en avoir. Il y a eu du jeu vidéo, il y a eu des séries télé, il y a eu des comic books. Il y avait des figurines qui finissaient plus. Back to the Future, il y a eu des jeux vidéo, il y a eu, tu sais, il y a animés, plein d'affaires. Ça, ouais. Dessins animés. Mais Gremlins... Mais Gremlins, non. Tu sais, ouais. Gremlins, ça a toujours été... Le truc qui était resté pour le cinéma, tu sais, puis... je disais qu'on avait eu des toutous de Gremlins, même pas au club vidéo, 7-8 ans, tu sais. Ça avait jamais été quelque chose qui était partout, là. Même à l'époque, je suis même pas sûr si on était capable d'avoir un toutou de Gremlins, tu sais. Je pense qu'il y avait des gizmos, mais je suis pas sûr. Parce que c'est sûr qu'ils chantaient pas, là. Non, c'est ça, puis tu sais... Je sais que c'était plus facile d'avoir un toutou de E.T. Puis bon Dieu que c'était laid. Moi, j'en avais un, mais il doit être chez ma mère, mais j'en avais un, oui, ouais. Il y avait différentes formes, des toutous. J'en ai vu des lettres, là, vraiment lettres. Le mien était pas pire, mais j'en ai eu des lettres. Là. Mais ouais, c'est ça, j'aime beaucoup cette série-là, parce que c'est ça, t'as jamais senti que c'était une vache à lait à quelque chose. C'est une vache à lait. Le 2, se passe pas à Noël, hein? Oui. Oui? Possible? Semble que oui. Je me souviens plus. Ça se peut, ouais. Non, il me semble qu'il fait pas. Non, parce que le monde l'inclurait plus souvent dans les marathons de Noël. Ouais, après. Non, je pense pas. J'ai écrit rapidement sur IMDb, là. C'est peut-être écrit dans la description. Je vais tellement toujours me rappeler que quand t'écoutes le film, à un moment donné, la bobine a fuck, puis je pensais tout le temps que c'était ma VHS qui avait un problème, mais non, c'est les Gremlins qui fuckaient ça, puis après tu voyais Hulk Hogan qui pognait les nerfs et qui pétait sa coche. Là. Écoute, moi, c'est jamais cette version-là que j'ai écoutée. Parce c'est ça, puis il y avait deux selon versions. Selon ce que t'écoutais, il fuckait différentes choses. Si t'écoutais une autre version, il changeait pas de télé. Mais il y a une version, la version du cinéma, c'était pas ça, je pense. La version du cinéma, c'est pas genre Léonard Maltin, le critique, qui apparaît ou quelque chose comme ça. Oui! Ouais. Oui. Écoute, c'est ça, il fuckait le film selon le média que t'écoutais, tu sais. C'est clair, parce qu'aujourd'hui, avec le DVD, on voudrait avoir une version de cette scène-là en DVD. Mais moi, je me souviens qu'à un moment donné, il y avait un western qui apparaissait, puis il apparaissait dans le western, puis il se mettait à tuer à côté de John Wayne, ou je sais pas trop qui. Ouais, mais... ça me rappelle de quoi, ça. c'est fou, là. Puis ça, c'était la version télé. C'est pour dire. Il se donnait, là. Pour... T'avais quand même dans le 2, t'avais quand même Christopher Lee. Ouais. Le docteur, puis il se faisait tuer par un Gremlins. Éclair, là, électrique. Ah, moi, c'est l'électrique, je pense. Électrique, ouais, t'as raison. Électrique, puis t'as un Gremlins araignée, puis oui. T'es écœurant, là. T'es écœurant. Là, c'est ça, dans le 2, c'était juste éclaté. Là. T'avais le Gremlins électrique, t'avais le Gremlins chauve-souris, t'avais le Gremlins intelligent, t'avais la fille. Ah ouais, celui qui parlait, l'imbécile. C'est vrai. Oui. T'avais l'imbécile, avec ses yeux qui étaient juste proches. T'en avais un qui était bête, là, qui était comme... Tu sais, il y avait des personnalités, c'était hot. Là. Dans le premier, t'as le chef, puis c'est tout. Tapez-vous les deux. Ouais, ça me donne le goût d'en les revoir, là, tout à coup, ouais. Ah oui, vraiment. Hier, je me suis tapé les deux Die Hard, les deux premiers, là, fait que je pense que je suis dû. Je m'en tape plein de films de Noël, c'est en site. Je suis dans le mood. Ah, c'est... Allez, viens Noël, on fera la fête. Ouais, c'est ça, c'était très drôle, ça. Il est 8 heures, pauvre con. Blablabla, pourquoi vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Oui. On veut tellement... Je suis sûr qu'en anglais, il est bon, là, mais... On l'aime trop, cette traduction. T'as demandé un miracle, c'est Théo, je t'offre encore mieux, je t'offre le FBI. Ah oui, c'est vrai. Ben écoutez, je pense que c'est ce qui termine notre traduction sur Gremlins. On fait des citations de Die Hard. Je pense que ça veut dire qu'on a plus rien à dire sur Gremlins. Mais je pense que si on a une chose à résumer de ça, c'est que il n'y a pas grand-chose qui va détrôner ça comme un classique de Noël pour tout fan d'horreur et qui veulent écouter ça en famille. Sur ça, on va passer à la musique avant d'aller à la conclusion. Et c'est une suggestion de Chantal, la copine de Steven. On cherchait une autre prise de chanson de Noël faite par un groupe un peu hardcore, heavy metal ou peu importe. Et... c'est une reprise de Les Anges dans nos campagnes, mais par Anonymous. C'est pas Keten. On se revoit dans 3 minutes. Yeah, no! Et oui, chers amis, c'est déjà la fin de cet épisode. Oh non! Non seulement c'est la fin de cet épisode, mais c'est la fin de cette année 2016. Maman, alors, c'est mort. Fini! Ouais, hey, ça, là, ça c'est fou. Ceux qui reprennent, qui comprennent la référence, c'était juste pour rire le dimanche soir quand ça finissait. Je sais pas quel âge tu avais à l'époque, Jeff, mais moi, quand ça finissait, c'était l'heure de me coucher. Ouais, genre, c'est à 7h30, 8h, là, tu sais. Fait que c'était comme l'heure d'aller me coucher. Fait que j'haïssais ça pour mourir quand elle disait ça. Parce que ma mère, elle faisait « Maman, va te coucher! » J'étais comme « Allez, moi, chie! » Ça me choquait. C'était comme pour elle, c'est comme l'alarme. Peu importe ce qu'elle faisait, tu sais, si elle entendait « Maman, j'ai fini! » Elle savait que c'était le temps de me coucher. Si, je l'haïssais quand elle disait ça. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Je te laisse continuer. Ben non, écoute, c'est bien correct. Oui, c'est ça, c'est la fin de 2016, c'est le dernier épisode. Je ne sais pas si au début janvier, on fera un épisode, notre best de 2016, mais j'ai l'impression que c'est difficile pour tout le monde, présentement. Moi, j'ai énormément de films que j'ai pas visionnés cette année. Qui logiquement, pourraient faire partie de ma liste, fait que je pense que ce serait pas une liste qui serait très, très... serait très fiable. Moi, c'est ça, Jeff, tu dis toi aussi. Oui. Il y a Steven qui serait comme la foule hot sommité dans la place, puis même lui, il dit qu'il en manque. Fait que, il en manque pareil. Fait que je pense que non. Je pense que on vous partagera les meilleures listes. Je suis sûr que nos amis d'Horror Web vont encore faire le citrouille d'or. Ils les font ça à Noël? Ou alors là, ils les font à Noël? C'est en janvier. Ils font en janvier. Aussi, en janvier. Ils font en janvier, bon. Je suis sûr qu'ils vont avoir des choses à dire. Au pire, on les ostinera un peu. Mais non, des listes de meilleurs films de Noël, de meilleurs films de l'année horreur qui commencent déjà à sortir. Puis vraiment des titres intéressants là-dessus. Puis c'est ça, quand je regarde les titres, puis je fais comme j'ai pas vu à moitié, je me sens pas crédible dans mes choix. Puis tu sais, quand mon top 5 ferait, il y a déjà des films qui sont pas dans le top 10 parce que je suis pas capable de toutes les faire. Je trouve que ma cinquième position est pas crédible. on pourra peut-être faire nos mentions spéciales à l'année. Puis, ben, c'est ça, les gars, vous autres, bras de fer. Ouais, ben, tu sais, vu que tu mentionnes le bras de fer, moi, je voulais juste rajouter ce que tu dis, que j'ai parlé à Steven, j'ai le même problème avec le bras de fer, parce que là, on veut faire un épisode de top, puis je suis comme, même dans les films généraux, pas juste horreur, mais il y a plein de choses que j'ai pas vues, je sais pas en tout qu'est-ce que je vais raconter, mais en tout cas, on va probablement le faire, mais il va peut-être avoir des petites twists, là, genre, je vais faire des tops de films que j'ai vus cette année, mais qui sont dans tous les genres, toutes les époques, puis c'est le fait que j'ai découvert cette année que j'aimais, en tout cas. Ah ouais, c'est bon. Puis Steven, lui, il va enlever son top. Exact. mais c'est bon, ça. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas assez souvent, puis que c'est pas grave. C'est le podcast Retro Nouveau qui... Retro Nouveau qui faisait ça, c'est que dans... Je sais pas si vous connaissez un peu le podcast Retro Nouveau. J'écoute pas bien. Un peu. Avec Bruno Georget et Dominique Bourret, qui d'ailleurs ont été nommés parmi les 10 meilleurs podcasts sur la page d'ici Art TV. Wow. C'est pas rien, là, parce que des 4 podcasts québécois, c'est le seul qui n'est pas produit par Radio-Canada dans la liste. C'est vraiment une très, très bonne, très, très bonne plug. Dans le fond, c'est un podcast de jeux vidéo, mais autant rétro que nouveau. Puis, dans le top de l'année, ils peuvent aussi bien parler d'un jeu d'Atari qu'un jeu de PlayStation 4, parce qu'ils disent, moi, cette année, mon top... c'est tel jeu d'Atari que j'ai découvert cette année, tel jeu de Spanton. Le genre de top que je pense des fois qu'on pourrait faire, puis je le propose jamais, mais c'est genre, on prend tous les films qu'on a regardés cette année pour le podcast, puis on dit lesquels qu'on a aimé le plus, si on fait un top de ça, ouais, genre c'est top 5. Top dans ou, ouais, c'est cool ça. Ouais, un petit retour sur notre année de podcast. C'est une très bonne idée, Jeff. On s'en reparle, je serais willing là-dessus. Okay. Mais, très, très, très, dans la, donc on alterne tout le temps avec Horror Gamer. Fait que la semaine prochaine, on va faire un épisode de Noël du bras de fer des films, brasdeferdesfilms.com. Oh, je pleure tout le temps. Épisode de Noël, on a choisi It's a Wonderful Life, La vie est belle, de Frank Capra, parce que Steven ne l'a jamais vu. Puis moi, c'est un de mes grands classiques de Noël. Puis on a choisi aussi Santa with Muscles avec Hulk Hogan, qui s'appelle en français Monsieur Papa Noël. Ou quand le Père Noël s'en va. Je ne sais pas c'est lequel le nanar. Non, c'est ça. Ah ben. dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple, le nanar, versus quand on avait parlé de Hook. Hook, oui. Tu m'étais revenu, Jeff, en privé en disant « Nanar, mais tu comprends pas Hook. Il est vu comme un nanar, mais on le considère pas comme un nanar. » Non, c'est mais, ça. Mais nanar, écoute, je pense que Monsieur Papa Noël a pas... L'as-tu déjà vu? A pas à défendre. Hein? Non. Non, moi non plus. J'ai vu Monsieur Nounou, mais pas Monsieur Papa Noël. Ah, moi non plus. Cette fameuse époque où Hulk Hogan pouvait être crédible comme acteur dans un film. Je dis crédible dans le sens qu'on pouvait faire comme « Hey, Hulk Hogan d'un film, je veux le voir! » Ouais, c'est ça. Il a attiré du monde avec sa face des posters. Ouais, c'est ça qui est fou. T'sais. Il y a eu une époque où c'était vendeur. C'était pas des posters de WrestleMania, là, des posters de films. Là, il a attiré du monde. Ouais. Et quand tu vois sa performance dans Rocky 3, tu fais « Ok, non, c'est pas un acteur ben-ben. » Pourquoi ils ont donné des rôles plus longs que ça? Là, t'sais? God, en tout cas, on va avoir du fun, je pense. Vedette d'action. Ça, on a juste besoin de charisme. On est là puis on le rabaisse, mais ça va peut-être être génial, ce film-là. C'est peut-être un de nos films préférés de Noël dans le futur. Là, qu'on va montrer à nos enfants. Puis tout. Ça, mon finalement, enfant, c'est de la qualité. Ça, là! C'est pas comme la crap que tu écoutes aujourd'hui. Ton esthétique de John Cena. Hein? Quoi? Ton maudit John Cena, là. John Cena. Oh, God. On pourrait pas finir cette année sans remercier des gens qui ont été très, très importants pour nous. C'est-à-dire nos fans, mais aussi nos patrons, nos boss. Oui. Tous ceux qui ont embarqué dans le Patreon et qui ont permis de nous donner un petit peu de sous pour permettre d'envoyer des prix, de renouveler des noms de domaine, de renouveler des hébergements, de payer des thèmes pour le site. Toutes plein de choses qui habituellement seraient sorties directement de nos poches. Maintenant, ça vient de les vôtres et on est très, très contents de tout ça. Ça nous allège un peu la responsabilité. C'est jamais beaucoup. Vous pouvez considérer que c'est... Vous pouvez vous dire, ah, ben, c'est pas gros, mais... C'est toujours mieux que rien. C'est excessivement apprécié. Chaque dollar est tout le temps le bienvenu. Mais il y en a un dans la gang qu'on doit toujours remercier plus que les autres parce qu'il a décidé que ce serait ainsi. Et c'est Tommy Boy. Tommy Boy. Tommy Boy. Écoute, là, Tommy. J'ai le goût. On dit toujours Tommy Boy. J'ai plein. J'avais la page ouverte. Je vais y retourner. Parce qu'il faudrait vraiment dire son nom complet. C'est et c'est une fille. Tommy Gagné. C'est Tommy Gagné. Tommy Gagné. J'ai dit, c'est peut-être une fille. J'y vois sa face, puis je pense pas. Okay. Puis son adresse Gmail, c'est Tommy le garçon Gagné. Alors, tout le monde va le spammer, tout le monde va l'écrire. Va l'écrire Tommy le garçon, il veut vraiment. Pourquoi tu dis ça dans ton adresse? C'est pas sa vraie adresse email, essayez pas d'écrire, il n'y aura rien. Mais toujours merci Tommy Boy pour tout ça. C'est vraiment apprécié. Mais, écoute, il y en a un autre, là. Je le vois là. Puis il donne autant que Tommy, mais il veut pas qu'on parle de lui. Fait que ben je peux pas parler de toi. Mais merci quand même, toi. Tu te reconnais. puis qu'est-ce que j'ai dit que je voulais parler d'autre? Space. Merci, Stéphane. Oui, si vous cherchez quelque chose à écouter d'ici à la fin de l'année, Space ont sorti leur page YouTube, le Festival Space. J'ai-tu vraiment besoin de vous présenter de vous faire une présentation de ça. Page YouTube qui rassemble les films qui étaient disponible à leur festival. Puis sur les DVD, j'en ai 5 ou 6 des DVD ici de l'époque. Ouais, moi aussi. Ouais, puis c'est aussi des films qui ont présenté au festival, mais qui sont aussi disponibles sur les internets. Tu sais, je pense à The Chickening, à Uncanny Valley, qu'est-ce que j'avais vu aussi? Crow Hand, Releasing the Inner Beast of Manliness. Dans il y a plein de choses. Leur annonce, ils disaient qu'il y avait genre 300 films sur la chaîne YouTube. Mais quand j'ai été voir, moi, il n'y avait pas 300 films. Là. Ah, juste pas ouais, plus, ça se situe, ouais, Écoute, je sais pas s'il y en a 300. Non, il n'y en a pas 300. Okay. Mais il y en a suffisamment pour se faire une belle petite soirée, le fun. Okay. Puis des fois, c'est aussi des liens vers des films qu'ils ont présentés. C'est peut-être là-dedans, là, si tu vas dans les playlists. Ouais, dans les playlists, il y a des trucs. Tu vas peut-être en avoir 300 à travers les playlists. Fait que c'est comme des suggestions aussi de choses qu'ils ont aimées. C'est vraiment une page YouTube qui est intéressante à suivre. Moi, je connaissais Spasme de réputation, mais je les ai connus vraiment cet automne au festival Frisson du Nord, le premier festival de films de genre qu'il y a eu au Saguenay. C'était vraiment génial. Il y avait un des programmeurs de Spasme qui était là, d'ailleurs, et c'était complètement fou. On était dans une petite salle, Jean-François, tu connais un peu Chicoutimi, le oui. Sous-bois. Je ne sais pas si tu es déjà allé. Non, je connais le nom, mais je n'ai jamais été au Sous-bois. Le Sous-bois, tu rentres à peu près 100 personnes là-dedans, tu es jam-pack, ça n'a pas de bon sens. Le monde, là, on était serré là-dedans, il faisait chaud, mais on riait, on avait du fun, on sait ce qu'il a à faire, on était surpris. C'était une soirée géniale. Je sais que le festival va revenir. Le festival Frisson du Nord va revenir l'année prochaine. Ceux du Saguenay qui connaissent pas ça, qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller, garochez-vous parce que, sérieusement, c'était une première année et ça fut excessivement solide. Puis ceux qui aimeraient justement savoir qu'est-ce qui a été présenté à la soirée Spasme ou en tout cas au festival Spasme, peu importe l'endroit où est-ce que vous avez pu aller l'écouter, il y a plein de films disponibles sur leur page YouTube. Puis c'est ça, c'est qu'ils séparent ça en années. Comme là, je vois Festival Spasme 2016, il y a une playlist. C'est ça que je voulais dire. Je voulais me reprendre ce que j'avais dit parce que quand j'avais checké, il n'y avait pas tant de vidéos que ça. Mais là, je vois que Spasme 2011, il y a 27 vidéos. Puis Spasme 2012, il y a 22 vidéos. Puis ils font tout genre entre 5 et 14 minutes, ça fait de même. Là, oui. Puis, tu sais, il y a des classiques comme le Bagman, des trucs comme ça, la gang de Turbo Kid, les premiers films qu'ils ont fait sont là-dessus. Là. Puis, il y a des films là-dedans là, que c'est des bijoux, là, c'est à voir. Là. Uncanny Valley, là, c'est probablement un des meilleurs films, courts-métrages que j'ai vu depuis très, très, très longtemps. Donc, c'est à voir, aller jeter un coup d'œil. Puis, Vicky voulait aussi qu'on fasse ça parce qu'ils ont donné un petit coup de main pour la capsule, je pense qu'ils ont permis de faire une soirée Spasme. Ouais. Ce qui est très, très cool. Moi, parlant de Vicky, je voulais juste, vu que c'est le dernier épisode de 2016, remercier Vicky et Audrey de leur collaboration au podcast cette année. Oui, en effet. C'est dommage. Vicky n'a pas pu être là ce soir. Il a eu son problème au resto. Mais bon, comme on disait, on passe en deuxième. Qu'est-ce que tu veux? On l'aime quand même. Mais sérieusement, c'est malgré qu'elle a parti une business, elle était souvent là, puis elle s'est donnée à fond dans le podcast. Je pensais qu'elle allait disparaître totalement. Là, ouais. Puis, elle a été là. Donc, c'est une trooper, comme on dit dans le jargon. Mm. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Et est-ce que j'ai autre chose à rajouter, à part encore remercier un paquet de personnes? Ben, puis, si jamais, parmi ceux qui nous écoutent, vous êtes une célébrité, watchez-vous, il reste encore 3 semaines à 2016. Ça a été rough cette année pour les célébrités. Tabarslack, hein? Quelle année? On a-tu hâte qu'elle finisse cette année-là? Bâtard! Là, watch out, là, parce que 2016 a commencé en force avec des célébrités qui sont mortes, qu'on a fait comme « Non! » Fait que là, 2017, là... 2017, ben non, break, c'est le monde normal qui meurt dans 2017. Là. Ben non! Non! C'est les gens qu'on connaît. Non. À chaque année, ça va te donner une gang différente. Shit. 2018, c'est les nains. Ça, je suis correct. J'ai aucun respect pour ces gens de mauvaise vie. Hey, Dieu, on dit les petites personnes, pas les nains. Bon, ça y est. Alors, on est dans une zone pas correcte, là. Faut arrêter, là. Arrêter de faire. En 2019, c'est les YouTubers qui meurent. Ça fait beaucoup de monde qui peuvent mourir. écoutez, les amis qui nous écoutent, passez un bon temps des fêtes, que ce soit pour écouter des films de Noël d'horreur, que ce soit pour écouter des films de Noël classiques en famille. Ciné-cadeau recommence dans pas long, fait que. Habituellement, c'est toujours un signe qu'il va y avoir un épisode d'Astérix qui va jouer sur votre télé. c'est juste immanquable. c'est tout à coup, on se rend compte que Les 12 travaux, c'est notre film préféré. Mais non, c'est chez les Bretons. C'est toujours été chez les Bretons le meilleur, je vous le dis. Moi, c'est mon préféré. Sinon, ben, je vous souhaite un paquet de bons films. Je nous souhaite un paquet de bons films pour 2017. Ah oui. Des belles surprises, des curiosités qui s'en viennent. J'ai hâte de voir. Il y a beaucoup de choses qu'on fait comme... ça va peut-être être bon, ça va peut-être être un navet. J'ai hâte de voir. Je pense que beaucoup de personnes pensent au remake de It, entre autres. Mm-hmm. Mais pas un remake, parce que ce n'est pas un réadaptation. Remake. Réadaptation. Réadaptation, merci. Qu'est-ce que... J'essaie de me chercher rapidement une liste. Le nouveau Alien, sorti en 2017? Oui, le 2017? Nouveau Alien. Oh, yes. C'est vrai, t'as raison. Il y a ça, la nouveau ça, qui sort en octobre l'année prochaine. Il n'y a pas un nouveau Halloween? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas s'il est supposé sortir, mais en tout cas, il va y avoir Annabelle 2. Oui. Friday the 13th. Ah oui, Flatliners, il y a un remake. Le remake de Suspiria. C'est un remake, mais genre suite, parce que Kiefer Sutherland joue le même rôle. Ah, cool. Dark Tower? Oui. L'autre adaptation de Mike Flanagan, de Stephen King, qui va être sur Netflix. La fille attachée au lit. Ah oui, Gerald's Game, Jesse en français. Oui. Le nouveau Resident Evil, The Final Chapter. je préfère le nouveau Underworld. Tant qu'à faire. World War Z 2. Ah ouais, ça a été confirmé ça? Okay. Ouais. On l'attendait. Insidious 4. je pense pas. Insidious 4. Est-ce qu'on l'attend celui-là? Je suis curieux. J'ai aimé le troisième pareil. Ouais, oui. on va voir Rings. Oh, Arc. Rings. Steven, ouais, Kong. Lequel? Kong, Skull Island. Oui. Est-ce que Before Awake sort en vidéo ou quelque chose en 2017? Il sort en Blu-ray le 12 janvier ou quelque chose comme ça. OK. De Mike Flanagan. Je vois The Dark Universe de Mummy. C'est-tu le Mummy qu'on a vu, le trailer dernièrement avec Tom Cruise? C'est parce que la Universal essaie de partir leur Marvel Pistel. C'est ça, vous l'avez dit, ça, Legacy. On a Wrong Turn 7. Yeah! Il y a le nouveau Godzilla en temps normal, c'est 2016, mais ici, je pense qu'on va pouvoir le voir pas mal juste en 2017, là, la manière que ça marche, là. Le gars du japonais c'est des... qui est sorti cet été, on va-tu le voir un jour, ici? Ah, ben c'est ça là. C'est lui qui okay, c'est beau. Oui, il va être distribué par Funimation, fait que ça devrait être dans pas long. Okay. Et il est extrêmement bien coté et reçu. Je pense qu'il est comme 7.8 sur IMDb, pareil, là, pour un Godzilla. Parce que je pensais que tu parlais de la suite de celui de 2014. Là. Non, je pense que ça a été repoussé, celui-là. Okay. Ouais, puis écoute, est-ce qu'on aura la suite ou on aura tout de suite le Versus Kong? Ouais, c'est ce que je pense aussi. Ils en ont parlé de ça. Ouais, parce qu'on sait que le Kong Skull Island sera un King Kong qui rencontrera notre Godzilla. Mais allez juste voir la liste des films qui s'en viennent en 2017 et vous allez vous rendre compte que c'est une année autant chargée que 2016 et 2015 parce que dernièrement, je trouve que on a des Christy de belles années en cinéma. Ce que je trouve le fun, c'est que 2017 offre une année qui semble voir être intéressante côté blockbuster d'horreur. C'était plate cet été, je trouve. Cette année, là, blockbuster d'horreur, c'était pas là-dedans qu'il fallait aller chercher notre stock. Ben, blockbuster tout court, je trouvais que ça faisait dur cet été. Il y a eu Conjuring 2, là. Ouais, Conjuring 2 et Lights Out, The Shallow. Moi, j'ai pas vu, mais ouais, c'est vrai. Don't Breathe. Sauf Don't Breathe, c'est quand même juste 8 millions. C'est pas Don't Breathe, je me mélange avec Ouija. Ouija 2, en vrai? Ouais. 8 millions, puis il a rapporté 82. 2017, on va sûrement avoir Stranger Things 2. Ben, c'est posé. Ouais. Twin Peaks, c'est ça, ils savent pas encore quand, mais on va voir Twin Peaks, ça j'ai hâte, mais c'est sûr que c'est en 2017. Ben, c'est ça, sinon, côté blockbuster d'horreur, on n'a pas eu grand-chose. Quand tu regardes les meilleurs films d'horreur, The Witch, c'était pas un blockbuster. C'est aucunement non, blockbuster. On a eu Blair Witch qui était un blockbuster. Ouais, mais ça a planté solide. Ouais, c'est ça. Sinon, est-ce qu'on peut considérer que 10 Cloverfield Lane était un... Ah ouais, ok, c'est vrai. C'est quand même un gros film. Mais tu sais, est-ce que ouais, suite, oui, il y a eu quand même une bonne distribution. L'année prochaine, on a le troisième là, qui était supposé sortir le 24 février, le jour de notre fête, mais il sort en octobre contre ça, le même fin de semaine que ça. Shit, hein? C'est d'avoir des couilles. Oui. Des couilles d'acier, parce que c'était un peu toujours ça. C'était un peu toujours ça, ça. C'était le film qui sortait à l'automne, qui était le film d'horreur là, chaque année. Ouais. Alors, y a-tu du monde qui attend réellement ça? Par curiosité, je pense. Je sais que la gang de Rowell, ils ont dit qu'elle allait faire un épisode là, d'une rétrospective. Ben, eux autres, c'est un peu. Ouais, sûrement. Ensemble, tu fais un épisode double, parce que c'est énormément de. Après le 5, j'ai arrêté. Les trois premiers qui m'ont intéressé. Mais je suis d'accord avec le 4 et le 5. J'avais adoré le 3 qui se passait, je pense, pas avant, mais en tout cas, il y avait une twist, je pense, dans le 3. Mais... C'est le 2 qui se passe en parallèle avec le premier, genre. Ah, quelque chose comme ça. Pas de même. Ah, attendez, vous allez être encore plus perdu avec les suites. Le parallèle, le plus de sens. Mais c'est ça, j'ai vu le 4, 5. Je pense que j'ai pas vu le 6. Je suis pas sûr. Puis le 7 non plus, ça veut dire. Puis le 7 non plus, non. Ça, c'est sûr et certain que j'ai pas vu le 7. Mais je pense que j'ai pas vu le 6. Ben, c'est ça. Je pense qu'on a une année 2017 qui va être intéressante. Puis ça, c'est sans compter tous les films indépendants sortis de nulle part qu'on va faire comme « j'ai jamais entendu parler de ça, c'est génial. Fait que je pense qu'on a une belle année devant nous autres. Donc, une autre année à nous endurer. Et si tout va bien, c'est l'année vers laquelle qu'on devrait se diriger, vers le 100e épisode d'Horror Gamer. Oui. Alors, rythme où ce qu'on va, je pense que oui. Oui, si on est toujours aussi sage, on va atteindre le 100e épisode la fin de l'année prochaine. C'est quand même très cool. C'est gros party. Faudrait le faire tout en gang à la même place. Ben, faut le faire au resto avec qui? Oui. Tout en personne, tout le monde. Je pense que l'on aura prochain. C'est hot. C'est avec nos enfants. Avec mon petit bébé de 8 mois là, à ce moment-là. T'sais. Ah, oh, cerné jusque-là. Oui, c'est ça. On va faire Colin, GF, tu fais vraiment ton âge maintenant. Hey, t'es maquillé comme dans Night of the Living Dead. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, pour une dernière fois cette année, les gars, je veux dire au revoir, Steven. Au revoir, Sébastien. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Hey, au revoir, GF. Au revoir. Bonne année. Bonne année. Au revoir, tout le monde. Hein? Bonne année à tous les deux. Quoi? Excuse. Bonne année à vous autres. Et ben, à tous ceux qui nous écoutent, je vous dirais non seulement joyeux Noël, bonne année, mais aussi gardez ça horreur.